You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Avertissement. Cet épisode d'Horreur Gamer pourrait contenir un langage qui pourrait offenser certaines personnes. Entre autres, précisément, ça se pourrait qu'on utilise l'expression « film de folle ». Et c'est fait sans la moindre volonté d'offenser qui que ce soit. C'est juste une expression qui a été popularisée, entre autres, par Sylvain Desmenti sur sa chaîne YouTube, mais qu'on utilise vraiment sans aucune malice. Nous préférons vous en avertir. Hey, hey! Bienvenue à l'épisode 80 d'Horreur Gamer. Quelle belle transition. L'épisode 80 d'Horreur Gamer, le podcast où on parle de films d'horreur et pas de gamer. mon nom est Jean-François Tremblay en remplacement de Sébastien Bouchard qui ne pouvait pas être là ce soir. Et en ma compagnie, on a celle qui parfois a une grande gueule et peut créer des malaises. Et on lui dit alors, dans ce moment-là, on lui dit « Chut, chut, chère Vicky ». Vicky Langlois, salut Vicky! Tellement! Ah, mais tu peux le dire, je suis folle! J'aime ça être folle, moi! Moi, je suis folle! Moi, je l'affirme, je le confirme et je le crie sur tous les toits. Parenthèse familiale, moi, ma grande sœur a le cancer et mon petit frère a une paralysie cérébrale. Fait que tout le monde dit « Ah, fait que toi, t'es en santé! » Je répondais toujours « Ben non, je suis carrément folle! » Fait que ça me convient comme terme. Je suis carrément folle! Tant mieux si t'es à l'aise avec ça. Je voulais juste avertir le monde pareil tantôt. Et celui qui... lui, en fait, il dépense tellement pour des films, des DVD, des Blu-ray, tout ça, qu'on a envie de dire « Mais qu'est-ce qui est arrivé à bébé Steven dans sa jeunesse pour qu'il devienne comme ça? » Steven de François, salut Steven! Salut Jean-François, il n'est pas arrivé grand-chose. Je suis T'es tombé drogué quand t'étais petit. Ben oui. Je me suis drogué très jeune avec le cinéma et j'ai continué ici. Et je vais mettre une petite parenthèse. On a l'air bien jovial, d'une belle famille, nous autres, Horror Gamer, puis on s'aime. En tout cas, on a l'air de s'aimer, mais en dehors des podcasts, dans le fond, on s'haït. C'est pour ça que ça donne un bon show. Puis vous allez comprendre pourquoi cet épisode-là nous tient tellement à cœur, vu que ça représente Horror Gamer. What happened to Baby Jane? OK, j'ai aucune idée à quoi tu fais référence, mais on va voir. En fait, c'est juste un lien entre le tournage et les personnages dans le film. C'est vrai. Ah oh, oui, d'accord. Okay. Concept. ouais, ben ce soir, on parle... C'était mon idée d'épisode. Pour ceux qui l'ignoreraient, t'as le créateur de la série Glee et American Horror Story, Ryan Murphy, qui a décidé de faire une autre série qui s'appelle Feud, et dans laquelle il explore dans la première saison le conflit entre les actrices Betty Davis et Joan Crawford dans les années 60. Et pour coïncider avec la diffusion qui a commencé dimanche passé, j'ai voulu faire un épisode sur les films... bon, Vicky nous a quittés, on va voir si elle va se rajouter à l'appel. Sur les films, donc, Whatever Happened to Baby Jane et Hush Hush Sweet Charlotte. Les deux films mettent en vedette Betty Davis. Puis c'est ça, le premier film, en fait, met en vedette Betty Davis contre ou versus Joan Crawford. Et Joan Crawford n'a pas participé au deuxième, était supposé, mais finalement, elle ne l'a pas fait. Fait que, on va parler des deux films aujourd'hui. On a des problèmes avec Vicky en ce moment. En tout cas, ça va se régler éventuellement. Là. Sinon, ça va être juste moi et Steven. Ça va être un bras de fer. You, la nanar. Ouais. Ah, c'est ce qu'on va déterminer. Mais c'est ça, en gros, c'était juste mon idée. Je les avais pas vus ni l'un ni l'autre. Puis Sylvain, entre autres, Sylvain Desmenti m'en a déjà parlé. D'autres personnes m'en ont déjà parlé. Toi aussi. Steven lève le doigt. Oui, je sais, tout le monde m'en a parlé. Puis, Ben, venant d'un gars qui est un fanatique du vieux cinéma noir et blanc des années 50, 60 et ainsi de suite, je trouvais ça pratiquement impensable que tu n'aies jamais vu ce film-là, Whatever Happened to Baby Jane. Fait que, gars, c'était l'occasion rêvée pour toi de le découvrir. Oui, ça avait juste pas vraiment donné. J'ai pas fait d'effort pour le voir, en fait. Mais... Fait que, c'est ça. Est-ce qu'on avait des trucs à raconter avant qu'on commence? Je ne crois pas. Je pense qu'on est prêt à enchaîner avec cet épisode. Parfait. Alors, petite madame qui crie, vas-y, crie-nous ça dans les oreilles. On commence avec Baby Jane. C'est quoi le titre au complet et l'année, Jack? Parce qu'on a décidé là que je faisais un résumé, mais j'ai aucune note et j'ouvrirai pas Internet. Parce que ça va tout planter encore. C'est Whatever Happened to Baby Jane, 1962. En français, qu'est-il arrivé à Baby Jane? Du réalisateur Robert Aldrich et l'auteur Henry Farrell. Ouais, merci pour ce complément d'information. En fait, Whatever Happened to Baby Jane, une manière de ne pas dire What the fuck happened with her? L'histoire d'une enfant star sur les planches, c'est quand même important de le préciser, pas tant au cinéma, mais une enfant star sur les planches qui performait du style Broadway, mais qui, comme beaucoup d'enfants à cet âge-là, a été trop gâtée, donc elle agissait en enfant gâté, assez désagréable et très... narcissique, égocentrique. Elle avait même une poupée à son effigie. Quand elle a vieilli, donc au début de l'âge adulte, elle a tenté de percer dans le cinéma. Ça n'a pas fonctionné. Elle n'avait pas le talent nécessaire. Par contre, sa sœur, elle, Blanche, qui était plus réservée quand elle était jeune, a performé sur les planches. Un accident, un soir, a fait en sorte que Blanche est tombée paralysée et ne peut plus marcher, elle est en chaise roulante. Le film se déroule surtout à l'époque où Blanche est en chaise roulante et sa sœur Jane doit s'occuper d'elle. Jane est très jalouse de Blanche parce qu'on se souvient de Blanche, surtout que les films de Blanche ont recommencé à être à la télé. Donc, beaucoup de gens appellent pour féliciter Blanche, pour dire qu'ils se souviennent d'elle, lui dire qu'elle avait une belle carrière, et Jane en est excessivement jalouse. Et la folie va partiellement s'emparer de Jane au point où elle va venir à maltraiter sa sœur. Et c'est cette relation de haine entre sœurs qu'on va voir évoluer durant les 2 heures de ce film. Jane est interprétée par Bette Davis et Blanche par John Crawford. Cool. Tu veux-tu, comme on fait depuis quelques épisodes, faire un petit résumé en gros de ta critique, puis on va faire juste le tour vite, vite, vite, puis après ça, on va revenir à parler plus en détail de... Mais tu sais, juste te donner un résumé de ta critique. Qu'est-ce que tu fais, non? Bande de copieurs. Non, c'est pas vrai, vas-y. Ok, vas-y, Vicky. Oui, j'attends toujours les 2 secondes pour ça. Oui. Bien sûr, je veux partir avec ma critique qui est que ce film-là est incroyable. J'en ai souvent entendu parler en images, beaucoup. Il y a des images qui circulent de ce film. J'en ai entendu parler en réputation, mais c'était la première fois que je l'écoutais. J'ai été subjuguée. Ça fait très film de son époque au niveau de la musique, par exemple, une présence exacerbé de la musique qui est dans tous les plans, tous les scènes. Quand il n'y a pas de musique, c'est là que c'est inquiétant. Puis parfois, la musique, je trouve qu'elle ne fit pas du tout avec la scène. Par exemple, une scène où elle tape à la machine à écrire et la musique est beaucoup trop joyeuse pour la situation dramatique qui se déroule. Mais le jeu des actrices, un casting pratiquement complètement féminin, ça amène une fraîcheur dans ce film très sombre, très lugubre. On pourrait croire que Bette Davis, vu qu'elle joue la folle du film, vole la vedette, mais au contraire, John Crawford réussit à venir chercher sa part du gâteau en étant très subtile, très généreuse d'une présence discrète, je dirais, parce qu'à chaque fois qu'elle joue, on y croit. Souvent, elle va jouer une espèce de souffrance silencieuse, mais pas juste dans les scènes avec Jane. Par exemple, elle doit descendre les marches et comme je le disais, elle est handicapée, donc elle ne doit se fier qu'à ses bras et sa puissance physique et on le sent que c'est dur. Donc les scènes, ils ont une belle tension. La montée dramatique entre les sœurs, on y croit. La folie des sœurs, les deux, on y croit. Parce que le film va accentuer sur une folie très pointée, très présentée chez le personnage de Jane, mais la fille qui se tarit dans l'ombre, celle qui ne dit jamais rien, n'est pas plus saine d'esprit parce que à force de ne pas vouloir s'affirmer, t'en viens être l'ombre de toi-même et c'est pas satisfaisant. Tu ne peux pas être l'ombre de toi-même pour survivre dans notre monde. Encore moins dans un monde où ça a été une star, une célébrité. Elle ne peut pas être l'ombre d'elle-même. Elle devrait pouvoir conquérir sa propre personne, ce qu'elle ne fait pas. Donc, cette dualité-là qui est très présente, une force des actrices vraiment époustouflante. Un montage parfois un peu maladroit, mais je le mets sur l'idée de l'époque et la censure. On essayait de censurer quelques trucs quand même à l'époque. Mais en somme, vraiment, il y a des scènes époustouflantes. Je ne vais pas toutes les dévoiler. Mm-hmm. Je vais laisser la place au gars à en donner, mais on va nommer les mêmes, là, la scène où elle danse et que son salon se transforme en plateau. Alors, je vais vous laisser la place parce que moi, c'est un A+ tout le long. Comme je dis, je dirais A+, en fait, je vais y aller avec un A, le plus super au niveau de la musique. Je le sais que c'est comme ça qu'on faisait les films à l'époque, mais aujourd'hui, moi, ça m'a déstabilisé cette présence exacerbée de la musique, cette présence qui en vient à être assourdissante de la musique. Donc, c'est là que ça perd quelques points. Sinon, le film, de A à Z, il est parfait. Steven, tu veux-tu y aller avec ton résumé? Oui, bien sûr. Ben, moi, c'est la deuxième fois que je le vois. C'est Chantal qui me l'a fait découvrir il y a peut-être 3-4 ans. Fait que je te blâme beaucoup, Jean-François, mais je l'ai vu pareil sur le tard. Fait que je prends mes accusations sur moi-même. Ça va pas mal ressembler à Vicky dans le sens que Whatever Happened to Baby Jane est un très grand film. Moi, je le qualifierais facilement de chef-d'œuvre et peut-être l'œuvre la plus marquante de Robert Aldrich. Malgré que j'ai très hâte de parler de son autre film après celui-là. C'est un film avant tout d'acteur parce que je crois que malgré les qualités qu'il peut avoir d'un point de vue réalisation, scénario, je ne suis pas certain qu'on aurait encore parlé autant de Whatever Happened to Billie Jean sans les deux actrices, les performances qu'on a là. C'est deux actrices qui se transcendent littéralement. Je pense qu'on ne parle même plus de jeu d'acteur. Là. Ça reflète une certaine réalité à cause de toute l'histoire qu'il y a sur le making-of du film, ce qui est tout à fait fascinant. Peut-être que Jeff va vous en dire un petit peu plus sur des trivia, parce que Jeff est tout le temps mieux renseigné. Mais je trouve que toute cette histoire-là se ressent à l'écran et vient renforcer toutes les scènes du film. Autant ça pourrait créer un malaise, autant je crois que ça fait juste pousser la folie à l'extrême. Bette Davis est juste monumentale là-dedans. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est une actrice formidable, mais dans le rôle de Baby Jane, est à la fois triste. Je la trouve vraiment triste et touchante, malgré le fait qu'elle peut vraiment être dégueulasse envers les autres. Mais je ne sais pas, elle dégage quelque chose... Je dirais pas de la pitié, mais j'ai vraiment de la tristesse un peu pour ce personnage-là parce que c'est pas totalement sa faute. Et les enfants qui ont une carrière jeune, qui sont entraînés dans le show business, ça paraît pas, mais c'est quelque chose de probablement très difficile pour un enfant de pas pouvoir vivre normalement une enfance. Et je crois que ça peut venir un peu... ça peut venir jouer mentalement là-dessus, surtout que le personnage de Baby Jane finit par... pas avoir autant de succès qu'elle aurait voulu avoir sur toute la ligne comme quand elle était jeune, puis sa sœur a pris un peu le relais. Fait que ça va engendrer une rivalité entre les deux vraiment intéressante. Et ce qui me plaît aussi, c'est que, veux pas, Hitchcock est arrivé avec son Psycho en 1960, 2 ans auparavant, et ça a été une grosse influence. Et Robert Aldrich a fait ses devoirs, évidemment, et je trouve qu'il s'est beaucoup influencé de Hitchcock pour son suspense, son huis clos, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que Hitchcock a influencé tout le cinéma. Le cinéma ne serait pas ce que c'est aujourd'hui sans Hitchcock. Fait que je crois que ses qualités pour ce film-là parce que je trouve que Robert le fait avec grande classe. C'est un réalisateur talentueux et qui a vraiment réussi à créer un film noir et malaisant sur la folie humaine et très profond comme on a pu en voir rarement à l'époque. Et même aujourd'hui, je crois que Baby Jane reste encore une référence dans le genre. Et je vais arrêter de m'étaler alors que c'est supposé être un résumé de la critique. Mais pour moi, c'est un très grand film qui a rien perdu de ses qualités. Cool. J'ai pas tant de trivia que ça, faut t'avertir, en fait. Je pensais qu'on aurait tous vu l'épisode de Feud, mais qu'on en parlerait, mais finalement, ça a l'air que je suis seul à l'avoir vu. Excuse-moi. Je voulais le voir, honnêtement, ça m'intéresse, mais j'ai pas eu le temps. Mais moi, je dis que c'est un très bon film, mais je suis pas prêt à dire que c'est un chef-d'œuvre. T'sais, pour être un chef-d'œuvre, un film, il faudrait... T'sais, comme si j'avais une liste, mettons, de plusieurs éléments comme la direction photo, l'acting, la réalisation, tout ça, puis qui tout serait des genres 10 sur 10, là. Ben lui, c'est surtout l'acting, la réalisation, mais après ça, le scénario, c'est comme des affaires qu'on a déjà vues, ben, c'est super mélodramatique. J'adore le duel de femmes puis tout ça. Puis en gros, j'ai beaucoup aimé le film. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je fais juste essayer de me positionner par rapport aux autres. T'sais, moi, je pense pas que c'est un grand, grand chef-d'œuvre. Je fais juste penser que c'est un très bon film. C'est pas Peeping Tom, c'est pas All About Eve ou des trucs comme ça. C'est pas un. En tout cas, pour moi, c'est pas à ce niveau-là, tu sais. Mais en termes d'acteur, moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué dans le film, parce que c'est souvent ça qui me marque en premier dans les films, parce que je viens du théâtre, j'ai étudié en théâtre, puis tout, puis c'est ce que j'aime le plus là, dans les films en général, c'est l'acting, tu sais. Si ça m'accroche pas en termes, si les acteurs me font rien, ça marche pas, ben lui, dans ce film-là, ça marche à fond, puis je les aimais déjà un peu d'avance, tu sais. J'aimais beaucoup Bette Davis, je connaissais un petit peu moins Joan Crawford, mais ils sont vraiment excellents toutes les deux, puis pas juste eux autres, mais j'ai vraiment aimé le casting autour. J'ai adoré le gros Victor Buono. Encore là, c'est pas une attaque contre les gros. Là, je vois la peine même parce qu'il est reconnaissable de même, mais j'ai vraiment accroché à son personnage, puis je me suis identifié à lui, puis j'ai beaucoup aimé l'acteur qui est dans l'autre film aussi. Puis la bonne, la noire, j'ai, encore là, je suis pas en train de... Je parle pas contre les gros, contre les noirs. Pas besoin de te justifier, j'ai identifié de même, là. Bon. Mais là, à un moment donné, c'est un qualificatif aussi, là. C'est ça. Tu peux pas ignorer qu'il y a la peau noire, tu peux pas ignorer qu'il est gros. Il doit faire 6 pieds 7, Simonac. C'est-à-dire qu'il rentre dans la pièce puis il s'accroche sur le lustre. Oh, oui. La bête du sommeil, il n'arrive pas à l'achever à la hanche, là. Mais, il y a moins de politique. C'est ça, j'ai vraiment beaucoup accroché à ces acteurs-là et à la réalisation que j'ai vraiment trouvé superbe. Je trouvais que Robert Aldrich, pour quelqu'un que je connaissais pas du tout, était quelqu'un qui avait probablement fait vraiment son école, tu sais, son travail puis tout, puis il était vraiment c'est un gars qui sait composer des images puis avec talent et tout ça, puis trouver des cadres intéressants, puis bien filmer ses actrices, bien les diriger, tout ça. Comme tu dis, Vicky, dans les points négatifs, la musique c'est ordinaire, tu sais, c'est ça, la musique de l'époque. Mais c'est ça, je trouve que c'est un gros mélodrame, là, tu sais, l'histoire, puis je la trouve intéressante, l'histoire, ça m'a accroché pendant 2 heures, c'est juste que ça m'a pas... Je pense pas que ça réinvente quoi que ce soit, ou, tu sais, c'est... Je sais pas comment dire ça, mais en gros, c'est ça, mon résumé, c'est que c'est un très, très bon film, puis ça devrait être vu par tout le monde, puis on va en discuter plus, là, en détail, mais c'est ça, juste en gros. Je voulais juste me positionner par rapport à vous deux, par rapport à vous... À vos critiques dithyrambiques. Ben, moi, je suis continué à dire, à tenir mon point. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre que j'ai pas vraiment de défaut à lui reprocher. Oui, la musique, j'ai trouvé que par moments, c'est un petit peu trop joyeux, comme Vicky l'a dit, mais je suis habitué, comme elle disait, ça fait partie de l'époque. Oui, aujourd'hui, on peut être agacé par ça. Ça m'a peut-être gêné à quelques reprises, mais c'est tellement minime, je suis pas capable de me reprocher ça. Ça m'a pas suffisamment gêné pour que ça devienne un défaut. Fait moi, ça me dérange pas là-dessus. Et je sais pas, t'es là à dire que ça réinvente rien, mais je pense pas que c'est ça qui fait en sorte qu'un film est un chef-d'œuvre parce qu'il réinvente quoi que ce soit. Non, mais qu'il apporte quelque chose de nouveau, peut-être dans son. Qu'il apporte quelque chose de différent ou qu'il traite de manière différente. Je sais pas, tu sais, je trouvais que. Ben, je sais pas, j'ai pas l'impression que la folie humaine ou les problèmes avec le succès de l'enfance ou ces choses-là étaient tant élaborées avant ce film-là à l'époque. Peut-être que c'est parce que je le vois trop tard puis j'en ai vu d'autres après, peut-être, je sais pas. Qui sont venus après mais que j'ai vu avant. T'sais. Ok, parce que c'est ça. Moi, avant 1962, avant Baby Jane, j'ai pas l'impression d'avoir vu vraiment de film qui se rapprochait le plus de ça ou qui égalait la profondeur que peut aller Baby Jane dans le jeu de Bette Davis ou même Joan Crawford. T'sais. J'écoutais le film puis par moments j'étais là, on dirait quasiment un Misery, mais c'est tellement d'une autre époque. Je veux dire, les deux films sont lointains. Fait que j'ai l'impression que les films que pouvaient me rappeler Baby Jane venaient après et non avant. Fait que c'est pour ça que je trouve. Je suis pas capable de dire que le film manque d'originalité ou qu'il réinvente rien. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est surtout tu parles, puis je pense. Je pense, mettons, aux dialogues que je trouve, tu sais, qui sont pas aussi du même niveau, mettons, que. Je vais encore mentionner All About Eve ou bien. Il y a un autre film aussi sur la gloire, mettons, sur le succès, puis c'est des boîtes, ça, qui s'appelle A Star Is Born. Il y a eu genre 3 versions de ça, mais la version de 52 ou 53, en tout cas dans ce coin-là, avec Judy Garland, c'est un chef-d'œuvre à mes yeux, c'est extraordinaire. Mais tu sais, encore là, c'est les dialogues, puis tout, il y a quelque chose qu'on retrouve pas nécessairement dans Baby Jane, selon moi, mais J'ai l'air de parler contre le film, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, le film. C'est juste que j'essaie de nuancer là, ce que j'en pense par rapport à vous deux. Mais je pense que Vicky voulait rajouter de quoi là-dessus. Oui, en fait, je comprends un peu votre idée, chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre. Mais moi, c'est au niveau... Ça peut pas être un chef-d'œuvre, comme je disais, à cause de la musique et quelques difficultés de montage, mais au niveau de la relation entre les personnages. Parce que ces deux femmes se battent pour de la gloire et de la reconnaissance. Et c'est très rare. On peut l'avoir dans un couple, mais de deux sœurs, généralement, on va créer une complicité ou une espèce de petits clins d'œil à « on s'aime pas tant que ça ». Mais là, de vraiment renforcer une dualité entre sœurs, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant et très peu exploité. Surtout que cette complicité, ce manque de complicité, en fait, cette bataille-là, mais pas sur un homme. Et c'est ça que j'ai aimé. Elles ne se battent pas pour un homme. Elles se battent pour une reconnaissance qui ne lui sont pas dues de manière ou d'une autre, parce que le personnage de John Crawford, son temps est révolu, elle aussi. Je suis désolée, mais son temps est révolu. Si elle était trop populaire, c'est parce que ses films passent à la télévision. Elle aussi doit prendre sa retraite et elle n'est pas prête à le faire. Et elle aussi, elle s'accroche au fait que ben, c'est moi qui signe les chèques. Tu survis grâce à moi. Fait qu'elle aussi, elle est dans une relation de besoin, mais c'est Jane, elle a besoin de Jane qui a besoin d'elle. Elle veut que Jane dépende d'elle. Elle est dans une relation de dépendance. Elle dépend du fait que sa sœur doit dépendre d'elle. C'est de même qu'elle s'est identifiée, c'est de même qu'elle s'est construite sur le fait que sa sœur a besoin d'elle. C'est comme si Jane a construit son regard sur la manière que sa sœur la regardait. Et sa sœur doit l'admirer. Mm-hmm. Et c'est important, c'est leur relation entre les deux. Et moi, ça m'a épatée parce que je trouve que ce film-là peut être vu une, deux, trois fois parce qu'il y a souvent des petits commentaires qui sont dits, comme à Mané, elle dit « Ah, comme dans le temps, quand tu voulais manger, puis là, fallait que tu dépendes de moi pour manger, mais là, tu dépends encore de moi. » Et reviens au début du film avec l'histoire des crèmes glacées, reviens à plein d'affaires, puis moi, je me dis, ce film-là en cache beaucoup dans leur relation. C'est sa vengeance à long terme, là, comme c'est ce qu'elle voulait faire depuis le début, là. Mais j'ai regardé le film puis je disais à ma blonde, j'ai dit, ça a pas été long que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, ce film-là passe à full pin le bec del test, là. C'est vraiment rafraîchissant de voir un film de cette époque-là qui met en vedette des femmes puis qui parle pas d'hommes puis que leur conflit est vraiment par rapport à elles-mêmes, tu sais, à eux autres puis entre elles. Entre leur image, entre leur image, c'est un conflit d'image et pour moi c'est tellement important parce que la femme, l'image qu'elle projette est continuelle. C'est continuelle. J'écoutais un podcast aujourd'hui, puis la fille, elle disait, moi, quand j'ai une date, elle dit, je m'arrange toujours de me réveiller avant ma date pour aller me préparer un peu, puis aller me recoucher, là. Tu sais, comme dans les films, je suis là, fuck, elle fait ça pour vrai, t'sais. Puis je vois mes amis qui sont nouvellement en couple ou en cruise, ou, tu sais, moi, ça fait tellement longtemps, moi, je me suis créé un nid avec mon chum, mais les filles autour de moi, je les vois être tellement dans la projection, dans l'image. Puis moi, je l'ai toujours dit, si je suis aussi bien avec mon chum, c'est que je ne suis plus là-dedans et ça me fait du bien. Je ne suis plus dans ce besoin, pas juste de plaire, mais dans ce besoin d'être désiré. Moi, mon chum, je vais toujours m'en souvenir, je te décris, j'étais malade, je ne filais pas bien. Puis il m'a dit, m'ont dit que t'es belle. Puis j'ai fait, ah, là, on vient de régler plein d'affaires. Tu me trouves belle quand je suis malade, là, tu viens de régler tellement de choses dans notre couple, ça me permet d'être n'importe comment. Puis me sentir belle. Mais c'est ça que ces femmes-là vont chercher. C'est ça que ces femmes-là ont besoin. C'est de se sentir belle dans le regard de l'autre. Tu sais, je veux dire, Jane, pas Jane, mais encore une fois, moi, je reviens à Blanche. Elle a un portrait d'elle-même aussi. Puis quand elle était jeune, là, tu as un portrait d'elle-même quand elle était jeune. Fait qu'ils ont ce besoin-là et c'est dans le sous-texte tout le temps. Et c'est ça que je trouve incroyable. C'est dans ce sous-texte-là. Même la bonne qui dit « Tu peux compter sur moi », c'est parce qu'elle a besoin de l'approbation de Blanche. Elle a besoin que Blanche lui dise que t'es une bonne personne. Oui. Fait que moi, je capote. Pis c'est drôle aussi parce que le seul véritable personnage masculin qui est comme le plus présent à l'écran, Victor, sert seulement d'objet en tant que tel pour Baby Jane, parce qu'il est juste là pour la remonter elle, elle l'inclut dans l'histoire juste pour ça, pour la remonter elle et rendre jalouse Blanche en disant « Gars, j'ai quelqu'un qui est arrivé sur moi puis il s'en fout de toi, il te connaît pas », alors que ben, tout au long du film, on s'en rend compte que Baby Jane est littéralement oubliée. À chaque fois qu'elle va à la banque pour faire encaisser un chèque, puis elle est comme « C'est moi la fameuse Baby Jane avec la poupée, la chanson avec la lettre pour le père », puis les personnes après sont comme « Ben, c'est qui cette Baby Jane? Je la connais pas », fait elle est vraiment stickée là-dessus. Elle dit, comme sa sœur Blanche, c'est deux personnes qui restent accrochées à leur ancien succès, mais Baby Jane, elle accepte juste beaucoup moins bien que sa sœur parce que je crois qu'elle a juste... Son succès s'est terminé plus tôt, puis elle a perdu toute l'attention qu'elle avait besoin. Et c'est juste ça qu'elle veut tout au long du film, attirer l'attention, retrouver le regard des gens sur elle et que la seule personne qui est encore là pour elle, c'est justement Blanche. Et que, c'est, comme tu disais si bien, Vicky, les deux ont besoin l'une de l'autre. Parce que même si Baby Jane ne fait rien pour aider Blanche puis qu'elle va finir par mourir, mais elle lui dit « Si je meurs, tu vas te retrouver tout seul. Tu vas réellement être tout seul puis tu ne vas jamais avoir réussi à retrouver justement le semblant d'attention que tu recherches chez les gens. » Fait que, moi, toute cette relation-là me fascine de ce film-là. Puis tu sais, pour un film de 1962, sans vouloir critiquer tout ça, mais je trouve que c'est... Ça n'a pas pris une ride. C'est moi, contrairement à JF, je trouve que les dialogues me plaisent autant. Ce qui peut gêner, je crois, dans les dialogues, c'est le fait que Baby Jane reste tout le temps sur le même ton avec Blanche. Elle est tout le temps comme désagréable avec elle. Elle est tout le temps en train de dire le même genre de réplique. C'est peut-être ça qui peut sembler qu'il manque de travail ou de développement dans leur dialogue, mais en même temps, je trouve que ça va avec le personnage, puis ça devient un point important et haïssable en même temps. Fait que moi, ça ne m'a pas... forcément dérangé. Je trouvais que c'était bien écrit. Et j'aimerais... Pense... Oui, vas-y. Non, c'est correct. Tu peux venir, puis donnez-moi 30 secondes pour embarquer. Vas-y. Okay. je vais faire comme si j'avais compris puis tu n'avais pas bugué, mais en gros, je l'ai mentionné, j'accorde un peu de... pas d'importance. Dans le fond, je suis d'accord un peu avec Jeff dans le sens que je l'ai mentionné au début. Sans les deux actrices puis leur performance incroyable, peut-être qu'on parlerait pas autant de Baby Jane, mais les actrices sont là puis il y a vraiment des performances inoubliables qui fait peut-être juste élever le scénario plus haut que qu'est-ce qu'on pourrait le croire, mais je suis pas capable de voir autrement ce film-là. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment juste un grand film puis j'ai pas forcément d'autres choses de négatif à dire de plus à part peut-être continuer à faire des éloges, mais j'ai pas envie de... J'ai pas envie de spoiler le film. T'sais, le film réserve pareil des surprises et je trouve que il y a quand même un twist intéressant vers la fin que je m'en rappelais même plus la deuxième fois que je l'ai vu. Puis je trouvais ça réussi. C'est un twist qui m'a pris par surprise. Et j'aime beaucoup la structure de comment l'histoire est construite qui va être identique dans le deuxième film qu'on va parler. Mm-hmm. Robert Aldrich va utiliser la même structure. Moi, j'aime beaucoup l'intro qui commence avec une année. Puis c'est quand même une longue intro avant le générique. C'est quasiment un 10-15 minutes. Et ensuite, quand l'intro embarque, mais c'est un intro qui, pas avec des freezes ou tout ça, c'est vraiment juste sur une scène importante du film, comme dans l'autre aussi, et avec des plans différents de la scène, une scène marquante qui va être reliée à toute l'histoire. Puis j'adore ça, j'adore comment c'est filmé, c'est vraiment super maîtrisé. Et cette structure-là dans le film m'a vraiment plu. Fait que là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment un beau travail technique dans Baby Jane. Juste faire un petit retour sur ce que tu as dit tantôt par rapport au personnage joué par Victor Buono. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi un gars de sa taille, sa corpulence, tout ça, je pense. Parce que c'est justement pour montrer qu'elle aurait choisi n'importe qui pour faire chier sa sœur, je pense. C'est pas pour rien que c'est pas un beau jeune homme tout mince. Ben, mais elle s'en fout. Ouais, c'est elle ça. Elle s'en fout. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est un premier appel. Fait qu'elle a aucune idée de qui c'est qui va appeler. Elle a n'importe lequel. Elle a appelé n'importe quel homme. Ben oui, exactement. Juste pour faire chier. Oui. Mais je pense que c'est encore plus marquant parce que il est comme ça. T'sais, je sais pas, pour moi, ça m'a marqué. Là. Ben, c'est le fun, dans le fond, qu'il n'aille pas dans un stéréotype avec. Il aurait pu prendre un acteur secondaire populaire de l'époque avec une belle gueule puis toute l'équipe. Mais non, on y va avec. Moi, perso, je le connais pas. Là, peut-être que je joue dans d'autres films, mais avec un acteur moins connu, puis justement qui a quand même plus de corpulence. Puis ouais. Non, je suis d'accord avec toi, c'est quand même bien, mais t'sais, on le dit, c'est même pas l'important. Elle s'en fout de son physique. Non, c'est quelqu'un qui a comme intéressant. Ça rajoute de quoi quand même au film. Ça rajoute. Oui. J'ai dit depuis le début, mais je trouve que c'est un très très bon film. Je suis juste pas prêt à dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est juste ça. C'est juste la nuance que je fais. Mais sinon, c'est un très très bon film. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis Une autre des choses que j'ai quand même beaucoup apprécié dans le film, ben, pas juste quand même, j'ai beaucoup apprécié dans le film, puis ça va rentre dans le côté réalisation, c'est l'utilisation de la maison, puis du lieu, puis des décors, tout ça, puis c'est la même chose, même critique que j'ai pour Hush Sweet Charlotte, l'utilisation de la maison. Ce gars-là, il y a une façon, Robert Aldrich, d'utiliser des maisons, que ça devient quasiment un troisième personnage, ou en tout cas un énième personnage, mais elle a une personnalité, cette maison-là, cet escalier-là, l'entrée, tout ça, puis toutes les pièces, les chambres, tout ça, puis c'est la même chose qu'on retrouve dans Hush Sweet Charlotte. Je veux juste pas parler tout de suite du deuxième film, mais je veux juste faire cette comparaison-là qui utilise vraiment très très bien la maison. J'ai adoré ça au niveau réalisation, là, ça m'a vraiment plu, ce petit côté-là. Non, c'est ça. Je pense que t'avais quoi que tu voulais un autre. J'ai déjà fini là-dessus sur la maison, mais c'était juste pour souligner que j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. Mais je pense que Vicky, t'avais quoi aussi que tu voulais rajouter tu voulais dire sur le film, là. Oui. Je voulais enchaîner ou en fait couper parce que j'en reviens au tout début du film. OK. Et j'en reviens avec mes relations entre les sœurs. Au tout début du film, elle a la bonne à rendre, puis elle dit. Vraiment, il est temps que tu en parles à ta sœur. Oui, je devrais y en parler. Et on comprend que ça fait longtemps qu'elle repousse le moment d'y en parler. Et moi, au début, je pensais que c'était parce que elle voulait pas la blesser, elle craignait sa réaction, elle voulait pas la placer, ou blablabla. Mais plus le film avance, plus je me rends compte qu'elle voulait pas y en parler parce qu'elle a besoin. J'en reviens à ce que je dis depuis le début. Elle a besoin de sa sœur. Elle a besoin de cette relation malsaine-là. C'est poche, c'est malheureux, mais elle a besoin de ça. Et quand elle vient pour crier à la fenêtre, elle pourrait crier à la fenêtre, puis elle fait juste allô, c'est tout discret. Fait que moi, je pense que les dialogues cachent peut-être, ça c'est mon point de vue, mais je pense que les dialogues cachent peut-être un peu plus que ce que toi, Jeff, t'en as perçu. Mais ça, c'est moi. T'sais, je veux dire, rendu, les gens se feront leur propre opinion. Est-ce que finalement, c'est plus creux ou plus profond? Mais moi, j'ai l'impression que les dialogues cache beaucoup de sous-textes de « je veux m'en sortir, mais je veux pas m'en sortir ». À tout moment, tu sais, quand que le gros, c'est quoi son nom, gros? Vita. Ben, c'est le nom de l'acteur, mais son personnage, c'est Edwin. Edwin, c'est ça, j'avais Eugène en tête. Edwin, tu sais, elle dit « je veux pas que tu la rencontres parce qu'elle va t'enlever à moi », dans le sens où tu vas tomber amour, mais pas un amoureux, mais admiration. Tu vas l'admirer, elle, au lieu de moi. Elle veut pas se faire pogner, elle veut pas se faire séparer de sa sœur, elle a juste peur que le gars soit en admiration sur sa sœur plus que sur elle. Fait que c'est pas, elle veut pas se faire découvrir pour ça, et c'est pour la raison pour laquelle ça finit à l'extérieur. C'est pas, elle a pas peur de se faire pogner, elle veut pas se faire séparer de sa sœur. C'est ça qui arrive. Fait que c'est pour ça que moi je pense que ce film-là a beaucoup plus de couches que ce qu'il en laisse paraître. Ouais. Juste un petit détail sur l'acteur. Tout à l'heure, Steven se demandait s'il avait déjà fait d'autres choses, cet acteur-là. J'ai checké parce que moi, il me fascinait. Là. J'étais comme. Puis surtout sa corpulence. J'étais comme. Ce gars-là, je sais pas s'il a vécu longtemps. Je vais être méchant, mais tu sais, j'étais comme. Je sais pas s'il a vécu longtemps. Puis là, j'étais allé voir sur IMDb. Puis effectivement, le gars, il a pas vécu longtemps. Il est mort à 43 ans. Mais au début des années 80, ça veut dire que j'ai fait des calculs. Puis dans ce film-là, il a genre 23 ans à peu près. Là, t'sais. Il est tout jeune. À toi, pas mal, j'ai pensé pareil. Moi, j'ai fait. Et qu'est-ce que tu dois être mort jeune? Puis dans. Oh, on est copains. Dans Hush Hush Sweet Charlotte, il joue le père d'une fille de 20 ans. Il a, imagine son personnage là, dans la quarantaine, mais le gars, il avait genre 25 ans, le max. T'sais. Mais non, je le trouve vraiment fascinant, cet acteur-là. J'aimerais ça le voir dans d'autres choses. Mais en fait, il a joué dans Batman, la série télé. Il faisait le King Tut, un des méchants de Batman. Je m'en rappelle. Surtout, ouais, maintenant que tu te dis, ça fait un flash. C'est surtout pour ça qu'il est connu. Puis ces deux films-là. Puis j'aime, je trouve ça fascinant aussi, tu sais, c'est pas juste la relation entre les deux sœurs, c'est la relation entre, dans les deux films, la relation entre le personnage de Betty Davis et son père. C'est la relation père-fille qui est vraiment, pas tordue, rien, mais c'est juste qui est très très forte, très présente, surtout dans le deuxième film, mais dans le premier aussi, elle avait une très belle relation avec son père, puis quand elle danse tout seul, puis qu'elle refait sa chanson... De Baby Jane, elle donne encore la main comme elle donnait la main à son père, puis elle danse avec lui. C'est très présent dans les deux films. Je trouve ça intéressant, cet aspect-là. Il n'y a rien de spécial à en dire, je sais pas, là, mais je trouve ça le fun. Là. Non, il y a quelque chose. Dans le deuxième film, on va en parler plus plus tard, mais oui, la relation est beaucoup plus imposante dans le deuxième film que dans le premier. Dans le premier, c'est plus elle qui martyrisait le père dans un sens parce que c'est elle qui avait le gros bout du bâton. Oui. C'est elle qui ramenait l'argent à la maison. Alors que dans l'autre, c'est carrément le contraire. Fait que la relation au niveau de la dépendance est différente dans les deux films. Mais reste que oui, c'est une relation vraiment intéressante. Surtout qu'au début du film, tu vois deux personnages en backstage. Et c'est après que tu comprends que c'est la mère et une autre, la sœur. Oui. Mais tu te dis, non, ils n'ont pas l'air dans la même famille. Tu sais, pourquoi c'est pas un show familial, c'est un show du père et de cette fille-là? Pourquoi pas l'autre fille? Pourquoi la mère est exclue? Tu sais, il y a vraiment des questions à se poser avec, OK, on la laisse en backstage, mais qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? Puis, tu sais, c'est-tu toi, t'as ta fille, moi, j'ai la mienne? Tu sais, j'ai déjà vu ça, pour vrai, j'ai déjà vécu ça près de moi, de ça, c'est ton enfant, ça, c'est le mien, puis on s'occupe chacun de nos enfants, là, tu sais. Ben, les gens, ouais, les préférés, les gens ne disent pas, mais souvent, ils ont le préféré, là, tu sais. Ouais. Ils n'osent pas se l'avouer, ils n'osent pas l'avouer, évidemment, à tout le monde, mais souvent, les parents ont leur préféré, puis ils le diront jamais, tu sais. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Puis là, c'est un peu ça aussi, tu sais. Mais en même temps, ils ont leur préféré, mais la mère, elle a sa préférée, le père. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ben, chacun a leur préféré. Puis... Mais ouais, cette idée de faire une poupée à l'image de ta fille, tu sais, faites pas ça. C'est pas... Le film le dit, là, c'est pas le montre bien, c'est pas une bonne idée, tu sais. Creepy! Commercialiser une poupée avec l'effigie de ta fille, non, non, non. Ça donnera pas de bons résultats, là, t'sais. Ça va juste faire que ça va la mettre sur un piédestal qu'elle va vraiment de la misère à redescendre de là. Mais ça peut juste mal finir. Ah oui. C'est, ce que j'ai trouvé ça intéressant aussi, c'est qu'au début, lorsque la jeune Baby Jane parle à son père, puis elle pète une coche devant tout le monde qu'elle veut une glace maintenant, puis que c'est ça ce qu'elle veut, c'est son argent, puis elle a le droit de le dépenser comme elle veut. Puis t'as Blanche qui est derrière, qui est comme vraiment très timide quand tu la vois jeune, elle est très refermée sur elle-même, elle n'ose pas vraiment faire grand-chose. Puis Baby Jane va demander si elle veut de la glace aussi, puis elle va dire non. Puis là, t'as son père qui va péter une coche en lui disant « Pourquoi tu refuses tout? Pourquoi tu veux jamais rien? » Puis c'est drôle, après, tu sais, plus tard dans le film, tu te rends compte que Blanche, ben, elle a fini par justement vouloir ce qu'elle veut, puis aller le chercher, puis aller plus loin même que Baby Jane. Puis je suis curieux de voir, ben, en tout cas, j'étais curieux de me dire quel genre de relation qu'elle entretenait par la suite avec son père. Tu sais, est-ce que son père est devenu plus lié avec elle qu'il l'était avec Baby Jane, ce qui a justement... déstabiliser Baby Jane, puisqu'elle est habituée justement d'avoir son père près d'elle, mais est-ce qu'il l'a délaissée pour Blanche, parce qu'elle avait une meilleure carrière, elle réussissait plus dans le monde du cinéma que Baby Jane? Enfin, je trouvais que ça amenait des questionnements intéressants qui n'étaient pas forcément répondus, mais ça me donnait des genres de petits indices pour me faire mes propres idées de comment les choses auraient pu se dérouler. J'aime ça. J'aime ça quand un film n'est pas trop... détaillé sur les détails comme peut l'être le prochain film qu'on va parler, mais je trouve que Baby Jane est un peu plus subtil sur certains aspects, puis ça me plaît, parce qu'il faut dire que les films de l'époque, la subtilité, c'était pas forcément leur fort, là. Non. J'ai beaucoup aimé quand Bette Davis prend la voix de Joan Crawford au téléphone. C'était assez... je sais pas à quel point c'était la vraie voix de Joan Crawford, mais c'est vraiment une imitation. Tu sais, j'étais intéressé de savoir comment est-ce qu'ils ont fait ça, mais j'ai pas checké de making of rien. Mais c'est intéressant. C'est capoté. C'est capoté. Moi, tout, j'en revenais pas, puis j'étais comme, j'essayais de voir, je regardais attentivement, est-ce que c'est un enregistrement, est-ce que ou c'est vraiment Bette Davis qui l'a à un, et elle l'a, je pense. Sérieux, j'ai trop scruté l'écran pour que ce soit un enregistrement. Dans le film qui est au cinéma en ce moment, Get Out, film d'horreur, il y a une scène qui fait penser un peu à ça, où ce que Allison Williams répond au téléphone en ayant une face complètement sans aucune émotion, mais sa voix a fait une fille qui est en détresse un peu, puis qui est toute émotive. C'est comme, waouh, hey, vraiment. En tout cas, ça m'a fait penser un peu à Baby Jane à ce moment-là, pour le jeu au téléphone. Mais c'est vrai qu'à Bette Davis, elle est vraiment forte dans cette scène-là. Qu'est-ce que vous avez pensé du salon qui se transforme en stage? C'est une très bonne scène, mais honnêtement, j'ai préféré, sans vouloir la dévoiler, celle sur la plage. Sur la plage, je trouvais plus forte. Je pensais que tu allais dire la scène semblable, équivalente dans Hush, Hush, Sweet Charlotte. En tout cas, il y a une scène qui m'a vraiment marqué dans Hush, Sweet Charlotte, que j'arrive pas c'est drôle, je l'ai vu cette semaine, puis j'arrive pas à me rappeler exactement de la scène dont tu parles, Wiki, puis celle-là de Usher Sweetheart, c'est sûr que je l'ai écouté ce matin, elle est vraiment fraîche dans ma tête, mais elle m'a vraiment époustouflé, j'étais comme, waouh, c'est que c'est hot, mais... Hey, large hush, là, on parle pas de ça, là. la scène, en fait, c'est quand elle rencontre le Edwin, je sais pas, elle rencontre lui pour la première fois, puis là, il se met au piano, puis là, elle se met à chanter, puis à danser, puis elle tourne, et... Tout le salon devient éclairé avec des lumières. Oui, ok. Oh, c'est ce spot-là. Je parlais de sa danse tantôt, c'était ça que je pensais. Ok, c'est beau. Okay. Ouais. Ces spots-là n'existent pas parce que après, lui se lève pour aller à ce miroir-là et il n'y a pas de spot. Mais donc, le spotlight n'est que pour elle. C'est ce que j'ai dit à ma blonde. Je me suis tourné, j'ai dit non, ouais. Le spotlight n'est que pour elle. Il y a pas, lui, il n'aura pas droit à ça. Là. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment bien fait parce que c'est un instant. C'est l'instant de 3 à 4 plans maximum. Puis elle allume les lumières. Donc, tu te dis, est-ce qu'il était vrai? Parce qu'elle les a allumées, les lumières. Mais non, elle a allumé un plafonnier. Tu sais, il n'y avait pas de scène, mais elle a créé une scène. Fait que je comprends, Steven, quand tu dis, la scène de la finale est plus forte. Mais moi, je pense que c'est une gradation et cette scène-là était nécessaire pour qu'on sache que la finale allait se terminer ici, pour qu'on se dise, c'est de même que ça va aller. Parce que moi, quand elle danse à la fin, j'imagine encore qu'elle voit des spots. J'imagine qu'elle voit les gens qui la regardent, qui l'admirent et qui l'applaudissent. Ben c'est ça, c'est une bonne scène, pareil. C'est pendant un instant, c'est comme une espèce de rêve, elle revit ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Fait que c'est pour ça que le côté lumière qui semble sortir de nulle part, c'est justement pour ressentir encore plus l'instant que Baby Jane est en train de vivre. Sauf que une scène comme ça, de rêve, on aurait mis du flou. On aurait mis la caméra avec un bruit de harpe puis l'image floue. Non, mais c'est une façon de parler, là. Je dis pas que c'est un rêve, mais c'est... Non, mais c'est un rêve, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des lieux communs qui auraient pu être empruntés et ils ne l'ont pas été. C'est ça que je voulais souligner. OK. Tout à coup, j'imagine Wayne's World. Il fait des flashbacks, là. Voilà. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a des lieux communs qui auraient pu être empruntés, puis là, on change le garçon pour le père, ou tu sais, on va hyper dans folie, ou on fait un flou, on met de la boucane. Tu sais, il y a plein de lieux communs qui auraient pu t'emprunter. Ouais. Et au contraire, on fait juste danser. Puis tu sais, quand la robe se soulève, c'est pas des cuisses de jeune femme qu'on voit, c'est des cuisses de vieille madame. Uh-huh. Et ça, c'est perturbant. Je veux dire, tu vois une culotte, tu vois une bobette, tu vois une culotte de vieille dame. Faut penser à ça, tu sais. Je veux dire, la scène est incroyablement montée parce que on voit une culotte de vieille femme, on voit des cuisses de vieille femme, on voit des mollets, on voit... C'est pas juste dans le regard, c'est pas juste dans la robe, c'est dans la mise en place de l'actrice, c'est dans le jeu, mais dans sa mise en place qui fait le malaise. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est très bien fait, tout en subtilité, puis... Oui, vraiment. Mais ce que je voulais dire, c'est ça. Ben, on est quand même pour comparer un peu les deux films. On est là pour en parler tous les deux. Puis on va parler plus tantôt de l'autre. Mais j'en reviens sur le fait que je trouve que Robert Aldrich a vraiment pris ça. Il est comme, OK, j'ai fait ça dans le premier film. Là, dans le deuxième, pour ramener ça un petit peu plus loin, mon flashback, c'est pas vraiment la même genre. C'est pas tout à fait la même scène, mais c'est une scène qui ressemble un peu où, tu sais, tout à coup, elle se met à rêver au passé. Puis elle se retrouve dans le passé. Son corps de vieille femme se retrouve dans le passé avec des entourés de jeunes personnages, et j'ai trouvé ça vraiment... Peut-être c'est le côté un peu... pas tout à fait David Lynch, mais le côté étrange de cette scène-là dans Hush, Sweet Charlotte, qui m'a vraiment plu. J'étais comme... Wow! Ça, j'aurais pas pensé à ça, puis je trouvais ça génial, comment est-ce qu'il avait fait ça, mais je trouvais qu'il l'avait amené une coche plus loin, ça, son côté... son flashback, son type de flashback qu'il utilisait, tu sais. Mais anyway, on en parlera tantôt, là. Ouais. Ah, mais le film est très, très, très reconnu pour le beef, la bataille entre les deux actrices. Mais est-ce que tu veux en parler juste à la fin de l'épisode ou tu peux en parler maintenant? En fait, je peux pas tant en parler que ça parce que j'ai pas lu là-dessus. J'attends de voir la série complète, j'attends de voir tous les épisodes. J'ai pas vu les making-of ou quoi que ce soit. Puis souvent, ce qu'on lit dans les bribes de petits articles que j'ai lus, c'est que ça a été inventé par les médias. Leur conflit, c'est que c'était pas si amplifié que ça dans la vie. Il y a des photos d'elle, il y a des images d'elle, on les voit sourire et s'amuser sur le plateau. Il y a des trucs qu'ils ont fait de temps en temps, comme quand ils donnent des coups à la tête, des coups de pied, elle donne des coups de pied à Blanche, mais elle en a donné une couple de vrais, je pense, dans la tête. Là, mais c'est peut-être des journées spécifiques où elle filait pas pantoute Bette Davis, où c'était alcoolique comme toutes les actrices à l'époque, là, tous les acteurs à l'époque à Hollywood avaient le vice, mais surtout l'alcool. Mais en tout cas, je dis un peu n'importe quoi, mais je pense pas que c'était si pire que ça. Puis non, j'ai pas lu là-dessus, puis j'attends de voir la série complète. J'ai juste vu le premier épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'ai hâte de voir le reste de la série. Ben, en fait, je te crois parce que moi aussi, c'est dans les petits articles de BuzzFeed, genre les 10 couples d'acteurs qui s'aimaient pas à l'écran, puis là, eux autres, ils donnent tout le temps la palme. Mais je sais pas si vous connaissez le livre de William Raymond sur Le dernier secret de Marilyn. Et il fait un peu la part des choses sur Marilyn Monroe et sur son potentiel meurtre-suicide. Ouais. Et justement, dans le livre, il dit aujourd'hui, on se souvient comme une femme qui était peut-être perturbée, qui arrivait ressent sur les plateaux ici et ça, mais il dit que ça aurait été complètement, c'est sa théorie dans le livre, là, ça aurait été complètement inventé par la Fox parce que Marilyn voulait quitter sa maison de production, donc la Fox ou la MGM, excusez-moi, mais elle voulait faire le switch entre les deux. Mais si je me souviens bien, c'était la Fox. Et la Fox aurait inventé qu'elle était insupportable sur les plateaux pour pas qu'elle s'engageait ailleurs et donc il la gardait. Et dans le film Gentleman Prefers Blonde, elle avait un cachet du tiers de l'actrice, qui je me souviens bien, et John Crawford, pour faire un lien. Elle avait le cachet du tiers de sa collègue actrice. Ce qui fait en sorte que je crois totalement l'idée que cette chicane-là a été créée de toutes pièces, parce que j'ai l'impression qu'on en inventait beaucoup à l'époque pour mousser les films. Et quand on dit que dans le temps, on disait rien dans les journaux à potins, au contraire, on en disait C'était 10 fois pire. C'était 10 fois pire qu'aujourd'hui. C'était 10 fois pire parce que les stars n'avaient pas la plateforme, eux, pour se défendre. Il n'y avait pas les Twitter, Facebook pour donner leur opinion et leur point de vue. Ce qui fait qu'ils étaient pris avec l'image publique qu'on leur donnait. Et selon William Raymond toujours, Marilyn n'aurait pas été l'actrice perdue, dérangée, accro aux médicaments et incapable de performer qu'on se souvient d'elle. Ça aurait vraiment été inventé par sa boîte de production afin qu'on ne l'engage pas ailleurs et qu'elle reste à cette boîte-là. Encore une fois, c'est une théorie, mais il dit que cette théorie-là peut être appuyée par beaucoup d'extraits de films qu'elle a fait, où elle s'amuse, où elle travaille bien, puis que c'est une boîte de films de take qui n'ont pas été pris. Tu peux les regarder et voir qu'elle a beaucoup de plaisir sur les plateaux et ses collègues ont beaucoup de plaisir à travailler avec elle sur les takes bloopers un peu. Donc, il dit que cette théorie-là a de la difficulté à tenir quand on se met à gratter un peu et qu'on lit autre chose que les journaux à propos de l'époque. Hmm. Donc, moi, je pense que ça se peut très bien qu'on ait voulu créer une rivalité entre ces femmes-là parce que ça va faire vendre. Ah oui. Et, oui, oui, vas-y. J'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, 60 ans plus tard, qu'est-ce qui nous reste si ce n'est que des rumeurs? Alors, ça se pourrait très bien que ce ne soit qu'une rumeur et que on a la difficulté à la démentir, connaissant que ça fait 60 ans qu'elle est alimentée. Ah ouais, ben de toute façon, c'est ça. Puis moi aussi, j'ai lu beaucoup sur Hollywood, puis tu sais, j'y crois rien de ce que les relations publiques pouvaient sortir, là, tu sais, faut pas que tu croies absolument rien. Je te corrige, pour Gentleman Prefer Blonde, c'était Jane Russell, c'était pas John Crawford. J'avais le J. Il était pas du même âge, John Crawford puis Marilyn Monroe, ils auraient pas joué ensemble, je pense. Mais pas pour ce genre d'affaires-là, pas pour être compétitrice. Mais je me souviens juste que c'était une actrice qui commençait par J, je suis désolée. Je suis contente que tu aies pu le chercher même pour me reprendre, mais je me souviens que c'était une actrice qui commençait par J et que c'était un scandale parce qu'elle gagnait le tiers du salaire de sa comparse pour un rôle équivalent. Mais si vous écoutez le podcast You Must Remember This, sur plein d'histoires d'Hollywood, il y en a des histoires vraiment crapuleuses, dégueulasses sur des actrices et des acteurs aussi, mais surtout des actrices qui se sont faites manipuler et par les studios qui voulaient se venger justement de différentes manières pour des bris de contrat ou des trucs comme ça, puis tu sais, des histoires de viol, des histoires de meurtre, toutes sortes d'affaires, il y en a eu, là, tu sais, il y en a eu des conneries qui ont été faites par MGM, par Fox, tout ça, puis c'était assez le bordel des années 30, 40, 50. Fait que c'est ça, c'était... Faut pas croire tout ce qu'ils disaient en public, là. Vraiment pas. C'était vraiment une façade, ils te lançaient de l'artifice, là, qui te mettaient de la poudre aux yeux. Oui, beaucoup, mais ça fait vendre. Ça oui. fait vendre, c'est incroyable, ça fait vendre. Tu sais, je veux dire, ça va être un de mes points si on parle vraiment... Moi, j'aimerais qu'on en parle de la série à la fin de l'épisode, et ça va être un de mes points sur... ben, j'en parlerai tantôt, en fait, mais ça fait vendre. C'est incroyable comment ça fait vendre quand on crée des alentours autour d'un film. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de Baby James. Oui, moi aussi, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que Baby James se retrouve dans les meilleurs films à voir et à revoir. C'est très possible, oui. Je pense. Mais pas Hush, Hush, Sweet Charlotte. Après, je revois mon livre. Je voulais l'amener puis je l'ai oublié à la maison, mais je pense que Baby James n'est pas Hush, Hush. En tout cas, on nous dira tantôt ce qu'on pense de l'autre. je voulais pas vendre mon opinion. Ouais. Bon, on la connaît déjà, je pense. Tu penses? Un petit peu. Ah, je suis pas mal certain, je suis pas mal certain. Fait que vos recommandations pour... est-ce que vous recommandez de l'acheter ou quoi que ce soit? Vicky? Ben... Vicky! Non, il t'a tellement coupé! Les femmes d'abord, c'est un épisode de femmes. Ok, ouais. Respect. Oh yeah! Respect! Moi, c'est un achat. Sérieux, c'est un achat. C'est une projection en après-midi, là. Un après-midi pluvieux ou froid, là. Je te mettrais ça au bistrot, puis je suis sûre que les gens qui viendraient enlèveraient leurs écouteurs de leur iPhone et regarderaient le film. C'est un film qui est captivant. Fait que, un achat et une projection d'après-midi. Le noir et blanc au bistrot, c'est pas un problème? Non, du tout. Non. Personne qui chiale là-dessus? Pas en tout. Pas en tout. Mais bon. Steven? Ben moi, c'est un collector edition parce qu'il existe un Blu-ray en format livre qui est super beau, que j'ai pas eu la chance d'acheter encore, mais j'imagine que le transfert doit être meilleur que mon DVD puisque je trouvais que le film manquait de clarté contrairement à Hush Hush que j'ai vu en Blu-ray, fait que ça faisait une différence. Mais sinon, oui, pour moi, c'est un grand classique puis une référence en matière de performance de personnes instables mentalement. Je trouve que Betty Davis s'est vraiment donné incroyablement à fond pour ce film-là. Ben, j'irais avec ta recommandation. Moi, je l'ai vu en DVD que j'avais emprunté à ma bibliothèque, puis il y avait plein de bonus que j'ai pas eu le temps de regarder, mais je suis sûr que c'était super intéressant. Il y avait toutes sortes de trucs, genre des entrevues avec Betty Davis à l'époque, puis tout. Fait que je pense que j'imagine que c'est pas mal le même stock qui a été transféré du DVD au Blu-ray, ouais. Puis je pense que ça vaut la peine. Comme je dis, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre extraordinaire, chef-d'œuvre ultime, mais tu sais, c'est un très, très, très, très bon film. Je pense que ça vaut la peine d'être acheté, selon moi. En musique, on s'est destiné un peu pour la musique, mais on va y aller avec mon choix. Ça a l'air que c'est moi qui décide. On y va avec c'était un petit peu évident. Betty Davis Eyes, le succès des années 80 de Kim Carnes. Si vous avez vu le film Final Girls, vous la connaissez. Et on revient tout de suite pour parler, après la chanson, du film Hush Hush Sweet Charlotte. Let you take her Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « gardez ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Hush, hush, sweet Charlotte. Ou en français, chut, chut, chère Charlotte. Est un film réalisé par Robert Aldrich en 1964, écrit par Henry Farrell, le même réalisateur et le même auteur du film précédent. Et donc, sa mère vedette, Betty Davis, et cette fois, non pas Joan Crawford, mais Olivia de Havilland, qui avait joué auparavant, entre autres, dans Autant en emporte le vent. Et c'est l'histoire, en gros, de Charlotte, jouée par Betty Davis, qui, dans les années 20, alors qu'elle était toute jeune, est accusée d'avoir tué son amant. C'est ça en gros. Puis, donc, plus tard, elle vit toute seule dans son grand manoir et tout ça. Elle est vieille, dans les années 60, tout ça. Puis, elle est sur le bord de l'éviction. La ville essaie de la faire sortir parce qu'ils veulent démolir le manoir, la grande maison, pour construire un pont. Puis, elle tient son bout. Elle veut vraiment pas quitter sa maison, tout ça. Il y a sa cousine qui s'en vient, Myriam, jouée par Olivia de Havilland, pour essayer officiellement essayer de l'aider à la convaincre de partir. Là. Elle a été invitée par Drew, qui est comme un ami de Charlotte qui vit avec elle, puis qui est un ami d'enfance, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que t'as les trois, t'as Drew, t'as Myriam, puis Charlotte, qui ont ce genre de... cette histoire-là à régler. Puis t'as un gars qui arrive, un monsieur Wills, qui arrive dans le portrait dans la ville, dans le village, qui pose beaucoup de questions sur Charlotte, tout ça. On comprend assez vite que c'est un gars qui a des assurances à venir réclamer, je pense, quelque chose comme ça. Puis il se fait passer pour un journaliste, tout ça. Puis, fait que c'est ça, en gros. Mais c'est surtout l'histoire de Charlotte puis Myriam là, qui est importante, leur relation entre les deux cousines. Et c'est ça qu'on explore dans le film, en gros. J'essaie de rien révéler, en fait. Il y a beaucoup de magouilles et de revirements, fait que c'est difficile de ouais, c'est justement ça. De pas trop en dire. Là. Ben, j'ai envie de dire que j'ai préféré celui-là pour différentes affaires, puis ça n'a pas vraiment rapport avec le scénario ou quoi que ce soit. Puis, comme j'ai dit tantôt, je trippais sur la maison, sur la manière que c'était filmé. Encore là, j'ai encore plus trippé sur la maison, puis sur les lieux, le paysage, tout ça. Puis, je m'identifiais au personnage de Betty Davis. Pas je m'identifiais, mais je partageait sa peine par rapport à la maison, puis son attachement à ça, puis j'étais comme, non, vous allez pas détruire ça, c'est super beau, puis s'il faisait un petit peu l'effort de faire un peu de ménage et tout ça, puis de faire du paysagement, ça serait super beau à nouveau, tu sais, j'étais comme, allez pas détruire ça, j'étais vraiment de son bord à elle, je prenais pour elle, puis j'étais contre les gars de la ville, puis j'étais triste pour elle tout le long, puis on sait pas vraiment qui a tué le personnage. Et c'est elle qui était accusée, c'est elle qui... Toute la ville dit que c'est elle qui était la meurtrière, mais on sait pas vraiment. C'est comme un film qu'il faut que tu devines un peu qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Clue! Ouais, c'est ça. Ben, personnellement, j'avais l'impression que on te laissait croire que fallait que tu saches que c'est pas elle. Dans le sens où toute la ville le croit, tout le monde le croit, toute sa famille le croit, elle le croit, mais toi, en tant que spectateur, t'es pas censé le croire. Ben, c'est ça, t'as un doute. C'est ça, juste par la caméra, tu vois pas qui le fait, c'est pour te dire doute tout long. On va te dire c'est ça, mais doute. Puis la petite scène de meurtre, ça m'a vraiment surpris pour un film de 64. C'était un an après, voyons, le film de Gordon Lewis, le premier film, Blood Feast. C'est un an après Blood Feast, puis tu sais, c'est pas aussi sanglant que ça, mais il y a quand même une couple de plans avec un bras puis un moignon, tu sais, puis c'est ça, tu sais, plus tard dans le film, t'as un corps avec la tête décapité, mais tu sais, c'est... Bon, en tout cas, il y a un punch avec ça, il y a une twist, là, mais anyway, je trouvais ça surprenant, mais je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là, puis comme je disais, tu sais, il y a une petite scène de flashback qui m'a vraiment, vraiment plu, j'ai adoré l'acting, il y a quelque chose qui peut, j'imagine, taper sur les nerfs du monde dans ce film-là, puis moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est le jeu de la bonne, joué par Agnès Moorehead, qui est une actrice formidable, elle a joué la mère de Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, puis elle est extraordinaire, cette femme-là. Puis je trouvais que je trouve son personnage vraiment coloré, vraiment le fun. Gros, là, c'est un gros personnage caricatural, mais en même temps, je sais pas à quel point qu'elle joue le jeu, le personnage. T'sais, le personnage en tant que tel, pas l'actrice, mais je me demande à quel point qu'elle joue pas la niaiseuse, t'sais, pour pouvoir rester là, puis t'sais, avoir accès à tous tes secrets-là, pour pouvoir rester dans cette maison-là. Je sais pas, t'sais, mais j'ai vraiment beaucoup aimé son personnage, puis j'ai aimé la relation de Charlotte avec son père qui est mort, t'sais, puis son cadre est là tout le temps, comme s'il était tout le temps là, il était tout le temps présent. Y a plein de choses que j'ai adorées dans ce film-là. Puis c'est ça, je pense que je l'ai plus apprécié que le premier. Je sais pas pourquoi, vraiment, ça m'est venu plus me chercher. Encore là, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Puis, objectivement, je pense pas que c'est un aussi bon film, en gros. Mais moi, il est venu plus me chercher. Ça fait bizarre de dire ça de même, là, mais je le vois qu'il y a pas sa place sur les listes des grands, grands films, comparativement à Baby Jane. Mais moi, il vient plus me chercher. Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai plus aimé le personnage de Charlotte là-dedans. Que Baby Jane, puis j'ai aimé suivre le personnage de Myriam, j'en parlerai tantôt, je fais attention à ma phrase, là, mais j'ai aimé suivre le personnage de Myriam, d'Olivia Davidland, puis c'est ça, c'est mon résumé. Ben, un de vous deux, là, je suis très mauvais. C'est toi l'animateur, vas-y. Steven, vas-y. Ok. Ben moi, je vais utiliser les mots que tu as utilisés pour Baby Jane. C'est un excellent film, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un film un peu moins bon que Baby Jane. Je préfère le scénario de Baby Jane. Je préfère la subtilité. Je trouve que c'est plus subtil, Baby Jane, tandis que Hush Hush, des fois, il va vraiment dans le tape à l'œil, là, ce qui me peut-être gêné un petit peu par moment. Et je pense qu'un de ses plus gros défauts, parce que je commence tout avec ça, mais je trouve que Hush Hush est un petit peu trop long. Et pourtant, c'est la même durée que Baby Jane, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs par moment, ce qui me faisait un petit peu décrocher. Je trouvais qu'on aurait pu aller plus vite sur certains aspects qui n'avaient pas besoin d'être plus élaborés. Sinon, d'un point de vue technique, c'est un film supérieur à Baby Jane, parce que Robert Aldrich fait un travail monumental sur ce film-là. Moi, l'intro, j'ai capoté. Comme je disais, c'est la même structure que Baby Jane. On commence avec une année, puis ça dure au moins 10 minutes avant que le générique embarque. Mais crime, on dirait quasiment un intro de slasher. J'avais comme l'impression que ça continue une vingtaine d'années plus tard, puis... Est-ce que le tueur va revenir pour hanter le personnage? J'étais comme, mon Dieu, on dirait quasiment un slasher. Et Hush Hush est plus proche d'un film d'horreur que Baby Jane sur certains aspects. Baby Jane, ça peut être de l'horreur de points de vue différents. Tandis qu'Oshosh, par moment, les scènes, comment elles sont réalisées, comment elles sont faites, t'as l'impression que c'est un film d'horreur. Et c'est un drôle de cocktail, parce que t'écoutes Hush-Hush, on vague. Tu sais, l'intro, ça commence comme un film d'horreur. Parfois, on revient dans le drame. On enchaîne vers du thriller. Fait que je te dirais qu'on vague entre ces trois genres-là. Autant ça aurait pu être fait maladroitement, autant je trouve que les trois genres marchent bien. Puis je trouve que ça donne une variété au film, ce qui fait en sorte que ça ne devient pas redondant. J'ai vraiment aimé ça. Mais comme je dis, la réalisation de Elric, numéro un. Il fait des jeux de lumière et d'ombre là-dedans, crée des doutes. Tout le temps... Quand ça se déroule 20 ans plus tard, t'as tout le temps l'impression que le passé plane sur cette maison-là. T'as jamais l'impression que les choses sont réglées. T'as tout le temps des ombres, justement, des trucs, des bruits qui arrivent, et ça donne un aspect très hanté au film qui m'a vraiment plu. Et justement, t'as beaucoup de scènes avec le personnage de, j'allais dire Baby James, mais Betty Davis, où que là-dedans va jouer encore quelqu'un qui sombre vers la folie, sauf qu'ici, ça y va graduellement, vraiment très graduellement et de manière très ambiguë. On ne sait jamais si elle est vraiment folle ou s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de mettre les choses en place pour la rendre folle. Et j'aime cet aspect-là parce qu'il y a des moments plus fantasmagoriques, si je peux dire, où que tu parlais du rêve avec les personnages sans visage, où il y a un moment avec des éclairs puis du vent, puis ça fait vraiment film d'horreur, de rêve, qui, moi, ça m'a fait capoter. Le noir et blanc là-dedans, là, un gros bravo pour la photographie à Joseph F. B. Rock, qui donne un aspect paranoïaque au film qui m'a vraiment fait capoter. Comme je dis, d'un point de vue technique, je trouve que ce film-là surpasse Baby James. C'est normal avec les années qu'un réalisateur prenne d'expérience. J'ai adoré les deux relations. Autant on aurait pu craindre... Je me demandais justement si le côté Betty Davis avec l'autre actrice avait fonctionné, parce que c'était Joanne Crawford justement qui était supposée revenir, puis j'étais comme « Ah, j'aurais aimé ça qu'elle soit là aussi dans le film », mais j'ai rien à dire, cette actrice-là était écœurante, les deux dans le film. Là. Olivia Davilland, elle est fun à détester. Je voulais pas le dire tantôt, mais elle est vraiment le fun à détester. Elle est fun à détester, puis t'as une scène dans une voiture, vers les 30 dernières minutes, moi, cette scène-là, j'avais des frissons, elle était cœurante là-dedans. Les deux actrices s'équivalent de deux points de vue différents. Puis c'est drôle, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on a pu voir dans Baby James. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui, le film a la même structure, puis oui, tu vois que le réalisateur retouche un peu certains thèmes, mais le film aborde ça de manière différente. Et l'aspect trailer m'a vraiment plu, à essayer de deviner qui a fait. Je trouve que le film possède des bons twists, ce qui est vraiment cool. J'ai été surpris sur peut-être un ou deux. Et comme toi, Jeff, le meurtre au début, j'ai vraiment été surpris par le gore. J'étais comme bien, on dirait du Mario Bava. On dirait du Bay of Blood avant Bay of Blood. Ça m'a vraiment impressionné. Mais non, c'est un excellent film qui m'a vraiment plu, avec beaucoup de qualité, mais que j'ai trouvé un temps soit peu trop long et un peu moins efficace sur son scénario qui n'est pas vraiment subtil. Juste un tout petit point avant que je donne la parole à Vicky. Moi, ce que j'aime des fois à regarder certains films, c'est mettons, tu regardes un film de cette époque-là, puis tu vois une nouvelle génération dans des petits rôles. Tu vois les gens qui vont être là, qui vont être hot des années 70 ou qui vont devenir des grands acteurs. Dans ce film-là, t'as le gars qui fait son chum qui meurt au début du film. C'est Bruce Dern, qui était un grand acteur lui-même, puis qui est le père de Laura Dern, mais qui est devenu big des années 70. Puis t'as aussi le gars qui fait genre je me souviens bien, le contremaître là, qui vient... sur lequel elle essaie de tirer. C'est joué par George Kennedy, qui a joué après ça dans les Naked Gun et tout ça, puis dans plein de films. Il est très jeune là-dedans. Hein? Il est tout jeune, tout mince, et puis c'était le fun, c'était drôle à voir. Fait que c'est ça, en gros. Vicky, à toi. Deux en deux, Steven. Deux en deux, je suis d'accord avec Steven encore une fois. Hey, buddy, buddy, hey, buddy, on est buddy. Tous sur la ligne à ce soir. C'est peut-être pour ça qu'il y a Internet lag. On est trop en symbiose, toi, puis moi, ça dépend sur l'Internet. Mais c'est ça. Moi aussi, j'ai préféré le premier à celui-ci. Ce qui n'enlève pas les qualités de celui-ci, mais je l'ai juste préféré. En fait, j'ai aimé Hush Sweet Charlotte dans le jeu de l'actrice, encore une fois. La finale, je ne l'ai pas vue venir, mais elle ne peut pas être faite autrement. Je trouve que ce film-là, la finale, donne la raison d'être au film parce que ça aurait pu partir en plein de directions. Puis je l'ai pas pensé, mais je suis contente que ce soit ça. Par contre, tout ce que j'ai trouvé les défauts du film qui fait en sorte que je préfère le premier, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Le nombre de nuits vient à se répéter. C'est comme si le film durait une semaine, puis on avait voulu montrer tous les jours de la semaine. Mais tu sais, vous pouvez faire des ellipses, vous pouvez avancer, vous pouvez aller ailleurs. Ça, c'était le défaut. Tu sais, c'est quoi la scène que vous parliez, le rêve? Oui, je l'avais oublié, moi. Toi, t'avais oublié la scène de stage dans le premier film. Moi, j'ai carrément oublié la scène de rêve. Je me souvenais des miroirs, je me souvenais bien d'affaires, mais moi, sincèrement, il y a un moment où je me suis endormie sur le film puis je vais recommencer. Tu vois, moi, pour la longueur, le film, je voyais ça, tu sais, je voyais qu'il était long, je voyais qu'il y avait des bouts qui étaient longs, mais à chaque fois que ça commençait trop long, il y avait quelque chose qui me raccrochait, comme la scène de rêve est arrivée juste à ce moment, un moment comme ça, là. Je commençais à m'emmerder, j'ai fait, OK, cette scène-là commence à être longue. Là, tout à coup, ça vire en rêve avec le monde, avec des masques, j'étais comme, waouh, OK, là, je suis sur le cul, j'adore ça visuellement, c'est super beau, puis là, je suis rentré dedans, puis à chaque fois, il réussit à me rembarquer juste avant que je me mette à regarder mon téléphone ou quelque chose du genre, tu sais. Même effet de mon côté. Moi aussi, la scène avec les masques, maintenant que vous en parlez, je me souviens que j'étais wouhou, puis là, OK, je repars. Mais il y a vraiment beaucoup de moments où j'ai trouvé que l'élément central, mettons, on va parler en termes très grammaire du cinéma, on aurait dit que chaque séquence durait 10 à 12 minutes, mais qu'il y avait une action importante, puis qu'il y avait beaucoup de broderie autour de cette action-là. Et c'est ça que j'ai trouvé lourd dans ce film-là. C'est comme les petits gars au tout début, les petits gars ils rentrent dans la maison, c'est long avant qu'ils rentrent. Oui, ça monte le suspense, oui, ça monte le stress, c'est excellent. C'est une scène parmi tant d'autres, puis c'est la première, donc c'est correct qu'elle soit bâtie ici. Mais c'est juste qu'on bâtit ça souvent, un build-up, une progression vers le stress. Et à un moment donné, je trouve qu'on, après la 6e, 7e, 8e fois où on fait un build-up, je le sais que ça va finir par une claque d'en face. Fait que je suis comme, coupe! Amène-moi ta claque, amène-la-moi, mais... je le sais que tu vas me la donner. Tu sais, je suis d'accord. J'aimais ça, les gens, les... Vas-y. Ah ben, j'allais juste dire, je suis d'accord que le film est inférieur. Ça fait contradictoire mon affaire, mais moi, je l'ai plus aimé. J'ai eu plus de fun à regarder ce film-là, mais je sais qu'il est inférieur. Puis le scénario, là, tu... Je sais pas à quel point j'ai été surpris par la fin, parce que je sais pas si tu parles de l'affaire des lettres et tout ça, mais je l'ai vu venir au milieu du film, à un moment donné, à montre les lettres qu'il avait reçues, puis tout, puis j'étais comme, ah, OK, je sais qu'ils ont écrit ces lettres-là. Fait, puis je peux pas le prouver que je l'avais vu venir. Je peux pas le prouver. Après ça, je fais, ah oh oui, je l'avais vu, moi, puis je suis hot. Non, mais je l'avais vraiment vu. Puis ça, j'étais comme, OK, c'est assez... Puis tu sais, t'as tout le bout à un moment donné vers la fin où est-ce que t'as les méchants du film qui sont là puis qui boivent et qui s'amusent puis qui révèlent tout leur plan au complet. Puis comme... Ça, je voulais dire par manque de subtilité, cette scène-là est... C'est ridicule. Ils font ça. En plus, ils font ça au pire endroit. Oui. Tu fais pas ça là. Elle est désagréable. Cette scène-là est désagréable. On va se le dire, là, vraiment. Des ongles sur un tableau noir et cette scène-là, même affaire. Ah oh oui, ah oh oui. La scène avec la petite bouteille de drogue, là, quand Monique a disparu, oh! Ben, ils sont obligés d'incruster une image pour dire, ah, oh, réalise que c'est la petite bouteille qui a disparu. T'sais, on avait catché, là, mais c'est pas nécessaire. Oh. Je suis sûr même le public de l'époque pouvait catcher que c'était la bouteille qu'elle regardait. Il y a plein de choses que tu veux venir, tu sais, comme la bonne qui va se faire attaquer, tu fais, regarde, la manière que t'es placé là, dans le haut des marches, là, puis la manière que... Non, regarde, tu sais ce qui va arriver dans, oui. dans deux minutes. Là. Ben oui! J'aimerais parler de la bonne. C'est un personnage qui m'a franchement... Je le sais qu'elle est faite pour gosser. Je le sais que c'est pas l'actrice qui est mauvaise, c'est pas le jeu d'acteur qui est mauvais, c'est le personnage... c'est le personnage qui est grinçant. C'est un personnage sudiste, c'est une femme du sud et c'est assumé de A à Z. Ouais, je voyais le sud de Gone with the Wind, je voyais le sud des États-Unis tel que je me l'imaginais à cette époque-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce personnage-là. Reste qu'à chaque fois qu'elle apparaissait, j'avais le poil qui levait. Je suis comme, ah oh, non, pas encore une fois. C'est genre de gros stéréotype du personnage de la Louisiane. J'étais comme, OK, ouais, je sais qu'on est en Louisiane. Mais c'est juste parce que j'aime l'actrice, puis je trouvais ça drôle de la voir de même, puis être complètement différente que Endora dans Bewitched, là, mais en tout cas, peu importe. Sauf qu'en même temps, je pourrais pas trouver d'équivalent. Tu sais, quand je dis que c'est un personnage unique, qui me fait gars, mais il y a pas d'équivalent contemporain. Je peux pas dire, hey, c'est comme tel personnage dans tel film. Non, parce qu'elle joue bien. C'est pas une mauvaise écriture, c'est pas une mauvaise actrice, c'est pas un mauvais jeu. C'est le personnage qui... Cette personne-là se fait à côté de moi et je change de pièce constamment. Puis tu sais, c'est une grosse caricature, mais c'est pas offensant au point que, mettons, de Mickey Rooney dans Breakfast at Tiffany qui fait un chinois ou un japonais, là, tu sais, qui a du maquillage pour avoir les yeux bridés pis tout, ou des trucs comme ça, tu sais, c'est pas à ce niveau-là, c'est juste ses limites, là, ça, ce qu'elle fait, mais tu sais, de caricature de sudiste, là. Sais-tu quoi? Moi, j'imagine beaucoup de gens américains écouter ce film-là à l'époque et faire ça, c'est ma tante. Oh oui, oui, oui. Qui a une famille dans ce personnage-là parce qu'il est trop vrai. C'est peut-être ça qui est plus grave, c'est qu'il est trop vrai. Il est trop vrai, il vient me chercher dans mes tripes. Oui. Oui. C'est ça. Mais la raison pourquoi j'ai pensé que c'était celle qui a écrit les lettres, je ne vais pas le révéler, mais celle qui a écrit les lettres, j'ai pensé que ça pouvait être cette personne-là, c'est que l'autre celle qu'on pense qui a écrit les lettres, qui s'appelle Jewel, j'ai oublié son nom de famille, le personnage, mais on la voit dans une scène à un moment donné avec son serviteur noir, tout ça, puis elle est toute habillée en noir, tout ça, puis Myriam va la voir en ville, puis elle y parle, tout ça, puis je me suis fait la réflexion durant cette scène-là. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qui m'a envoyé ça, ce message-là, mais je me suis fait la réflexion que cette femme-là, Jewel, était jamais sortie de son village. Je voyais dans elle plusieurs de mes tantes, plusieurs de gens que je connais, moi, qui sont jamais sortis de leur région. Puis dans Myriam, je voyais, tu sais, je suis pas comme elle, mais je me voyais, moi, mettons, qui vit depuis longtemps loin de ma région, puis qui reviendrait, mettons, 30 ou 20 ans plus... 20, 30, 40 ans plus tard, puis qui reverraient des vieux amis d'enfance, puis qu'eux autres auraient gardé toute leur vieille idée sur moi, leur vieille... mettons qu'il y aurait un conflit avec moi, quelque chose, mais eux autres ont gardé ça en dedans, tandis qu'elle a vu le monde, elle a vu toutes sortes d'affaires, tu sais, puis est revenue. Puis quand on voit les deux femmes se parler, je voyais très bien qu'il y en a une qui était une femme du monde, puis l'autre qui était restée dans son village tout le temps. Puis là, plus tard, ben, t'as Charlotte qui dit... « Ah, mais j'ai reçu des lettres d'elle, puis des lettres qui venaient de partout dans le monde. » Puis là, j'ai fait « OK, non, je pense que c'est pas d'elle. » OK, je comprends ton point. Mais en même temps, ça se pourrait, mais moi, j'avais cru comprendre qu'elle accusait Joel d'avoir fait envoyer ces lettres-là par d'autres personnes. Ah, ça, j'ai pas compris ça de même, OK. Moi, j'avais l'impression que ces lettres-là venaient... Une venait de Joel, et les autres venaient de gens que Joel contactait ou des gens qui avaient entendu parler d'elle outre-Atlantique. Ah. Mais moi, j'ai pas l'impression que les gens parlent d'elle outre-Atlantique. Et moi, j'ai l'impression que c'était... Non, je savais que c'était pas ça. Mais je pense dans la tête du personnage principal, Charlotte, j'avais l'impression qu'elle croyait que Joel contactait des gens outre-Atlantique pour lui envoyer des lettres. Okay, mais effectivement, comment elle pourrait connaître des gens outre-Atlantique? C'est impossible. Ben, c'est ça, c'est trop une personne qui est restée chez eux, je pense, tout le temps, qui... En tout cas, je sais pas. Mais il y a que Myriam. Oui. Tu sais, je veux dire, tous les autres personnages, autre chose que je reproche un peu au film, Myriam, qui est attachée au docteur, c'est un docteur, hein? Bref, moi, je vais l'appeler docteur pour mon topo. Myriam est attachée au docteur, puis le docteur l'a fait chier. Il l'a fait chier. Puis elle a vu le monde, elle a eu une carrière, elle a eu, puis elle revient en étant tout aussi attachée à lui. Puis je suis comme, il me semble qu'elle aurait dû décrocher. Il me semble qu'elle aurait dû voir qu'il y avait meilleur ailleurs. Surtout qu'il a l'air tout le temps saoul. Oui. Fait que je suis comme, pourquoi tu t'es accrochée à cet homme-là qui a l'air saoul, qui te sous-estime énormément et qui te trouve limite ridicule parce que Charlotte l'a dit, « Ah, oh, toi, femme du monde, t'as une carrière. » Et j'ai l'impression que le docteur est d'accord avec Charlotte, genre, « Hey, arrête avec tes talons hauts et tes robes noires, madame, j'ai une carrière, ben, tu viens d'ici, ça redescend. » Je trouve que le film, comme je disais, le scénario n'est pas aussi bien écrit que le premier film, dans le sens où je trouve que le début du film, tu peux pas voir venir la fin parce que la manière que le docteur agit avec Myriam, puis quand il est tout seul avec elle dehors de la maison, il parle pas comme une complice. Il parle comme s'il venait de la revoir pour la première fois depuis longtemps, puis comme s'il n'y avait pas un complot entre eux autres. Là, c'est pas du tout la même genre de conversation qu'ils ont vers la fin du film. T'sais. Il donne un gun pour se protéger, puis tout. Puis c'est comme. Vous devriez pas parler de votre plan, là. Vous êtes tous les deux tout seuls dehors, là. Puis en tout cas, je trouvais ça bizarre. Ben, pas sur le coup, mais plus tard, j'y ai repensé. Fait, ouais. Ben oui, c'est ça, quand on parle de la pauvreté du scénario, c'est ça, justement, il donne un gun qu'on va utiliser plus tard. Fait que là, tu te dis, ben d'abord, cette scène-là, ça va au spectateur, et il n'y a rien que je déteste plus au cinéma qu'une scène qui est fausse entre deux acteurs. J'ai bien de la misère. Moi, au cinéma, si tu me sers deux acteurs, je ne sais pas, je l'ai déjà fait ici, cette comparaison-là, mais je veux quand même prendre le temps de la décrire. Désolé les gars, mais c'est une grosse parenthèse, mais c'est super important pour moi, ça va comprendre tout de suite. Je pense que c'est un des Fast and Furious, et de mémoire, c'est Fast and Furious 5. Fast 5, OK? Les deux, ils chicanent, puis ils s'envoient chier, puis là, il y en a un des deux qui dit « Fuck you, je fais pas ton plan. » Parfait. Là, ils chicanent, et là, finalement, on voit le gars exécuter le plan, puis là, on voit l'autre faire « Hey, finalement, t'es tellement mon ami, je vais le faire avec toi, le plan! » Et la scène se déroule, ça se fait des petits clins d'œil de char à char, puis « Hey, yes, yes, yes, une chance t'es revenu, parce que j'aurais pas pu. » Et là, la scène finit, et le plan n'aurait pas pu être fait sans l'autre. Le plan incluait que l'autre arrive à ce moment-là et qu'il se finisse de cette façon-là. Ce qui fait que la scène qui se chicane, c'est pour le spectateur, les regards de char à char, « Hey, thanks, buddy, d'être revenu, ça a fait plaisir, mon amour! » Mais c'est pour le spectateur encore. Puis il n'y a pas de... Là, je me souviens pas de la scène, mais il n'y a pas de chance qu'il ait pu changer le plan en dernière seconde avant qu'il l'avance le... Non, parce okay. que le plan, c'est leurs deux chars qui tirent un coffre-fort. Okay. Il ne peut pas tirer le coffre-fort tout seul. Il faut absolument qu'il y ait ces deux chars-là qui tirent le coffre-fort et il n'y a pas de... Il n'y a pas... le gars numéro 2 qui revient dans le plan ne prend pas la place d'un autre. Non, je comprends ce que tu veux c'est dire. C'est vraiment... Deux chars-là qui sont attachés sur le coffre-fort. Il n'y avait pas moyen de le faire autrement. Fait que tous ces regards-là, qui sont, les deux gars sont seuls dans les chars, là. Fait qu'on fait des caméras, raccords, regards, qui se regardent avec des petits sourires complices. Mais c'est pour le spectateur. Tout l'abandon du plan puis le retour, c'est pour faire vivre des émotions au spectateur. Et c'est là que j'ai fait, mais c'est traître. Et après ça, depuis ce temps-là, je me suis comme construit un dossier de toutes les scènes traîtres comme ça au cinéma. C'est un peu maniaque, je suis désolée. Et c'est ça, ça n'est oui. Oui, Steven. Mais j'allais juste dire, c'est ça que j'avais mentionné dans l'épisode qu'on avait fait sur les babysitters, puisque le deuxième film, elle vient, la méchante du film, elle vient pour prendre le bébé, puis elle veut juste le nourrir au sein, mais elle arrive avec le coussin, puis la démarche qu'elle fait est totalement illogique. Elle se prépare comme à étouffer l'enfant, mais c'est juste pour faire croire au spectateur. Dans le fond, elle va mettre le coussin derrière la tête du bébé pour le prendre après. Mais j'étais comme, cette scène-là fait aucun sens parce qu'il est tout seul en plus. Le but, c'est juste de créer un faux suspense avec un comportement qui ne marche pas avec le personnage. Je maintiens mon point qu'elle était juste pas sûre de ce qu'elle allait faire. Je suis sûr que non, moi. Je suis sûr. Mais voilà, tu sais, c'est exactement ça. Ce genre de scène-là, j'en ai un répertoire de scènes qui ne servent qu'aux spectateurs. Et moi, personnellement, ça, c'est vraiment à moi. Je ne veux pas qu'un film s'adresse à moi. Sauf s'il brise le quatrième mur. Et là, le quatrième mur n'est pas brisé. Donc, pour revenir à Hush Hush, ce soir-là, il lui donne un fusil qui lui dit qu'il n'est pas chargé, mais qu'elle pourrait le charger éventuellement, c'est facile, mais qu'avec tous les gens qui rentrent dans la maison, c'est dangereux. Le film débute avec des gamins qui rentrent dans la maison et Charlotte qui se défend au gun. Ce qui veut dire que donner le fusil, c'est logique. Plusieurs fois dans le film, la caméra fait des zooms sur ce fameux gun. Puis on pense qu'une des deux femmes va l'utiliser comme contre l'autre. Finalement, il arrivera ce qui arrivera. Mais là, tu te dis à qui qu'il a servi. Et on a voulu mettre l'emphase sur ce gun-là qui n'était pas chargé, qui finalement a été chargé, on ne sait pas comment. Et on apprend que X, Y, truc. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que tous les dialogues ne peuvent pas avoir lieu d'être dans leur réalité à ces personnages-là. Non. C'est ça. Je suis d'accord avec tout ça. Moi, ce qui me gosse surtout, c'est qu'ils n'agissent pas en complice dès le départ du film. Pour la caméra, quand ils sont tout seuls ensemble, on a l'impression de voir des gens qui ne sont pas vus depuis longtemps et qui n'ont aucune complicité alors qu'ils devraient. Si c'est ça leur... Si c'est lui qui l'a appelé pour venir, regarde, on va la rendre folle, ben c'est... C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est ça m'a pas fait déprécier le film. Je veux quand même mettre les choses au clair. Je veux dire, le nombre de films que j'ai aimés qui ont une scène de noter dans mon cahier comme quoi cette scène-là ne sert qu'au spectateur, c'est pas des films que j'aime pas. Ce film-là, ça me l'a pas fait déprécier. Ça m'a juste fait sourciller. C'est juste un moment où je fais « Bon, encore, on est tombé dans le piège de parler au spectateur au lieu de nous parler à nous ou de mettre en scène des scènes qui ne se peuvent pas au lieu de parler à nous. » Ouais. En même temps, s'il avait montré le départ qu'il était complice, le film aurait pu fuir de suspense. Là, mais... Mais est-ce qu'il aurait pu juste ne pas mettre cette scène-là, tu sais? Oui, je pense que oui. Ou tu sais, tu donnes un fusil en disant « cache-le pas ». Tu sais, il a dit qu'il n'y a pas de balle dans le fusil, mais en place, tu peux dire « laisse-le sur ta table de chevet, laisse-le proche ». Sans dire pourquoi, ça aurait été possible. On réécrit le scénario! Oui! J'ai souvent des silences. Vous fatiguez, les gars? Non. Ah ben, go! Un petit peu. Mais sinon... Ben, moi, je l'ai... Ah, vas-y. Ben, encore une fois, je l'avais mentionné pour Baby Jane, c'était un film de performance et je trouve que Hush, c'est la même chose. Le film, même si l'aspect technique m'a vraiment fait capoter, c'est vraiment un film d'acteur et tous les castings étaient écœurants, mais Betty Davis et Olivia D'Avillain, je ne suis pas trop certain de la... De la vilaine. J'adore les deux personnages qui sont construits dans une progression où on suit les deux évoluer progressivement de façon différente. Betty Davis, c'est plus vers la folie, et tandis que l'autre, c'est plus vers sa vraie nature. C'est fou parce qu'au départ, ces deux personnages que tu trouves attachants, mais finalement, tu vas finir par les voir différemment au fur et à mesure que le film évolue. Puis, je les trouve vraiment bonnes dans leur jeu. Chaque scène, les deux ensemble, je les trouve vraiment, vraiment écœurantes. Puis, les 30 dernières minutes du film, je voulais pas aller dans les spoilers, mais vous avez comme pas mal déjà tout spoilé le film. Fait que je vais y aller de bord. Là, mais moi, la scène où ils vont porter le cadavre sur la rive, il y a un gros suspense qui est créé tout de suite, la mise en scène. Tu sais, je parlais d'Hitchcock avec Baby James, mais encore là, je trouve que le réalisateur s'inspire beaucoup d'Hitchcock pour créer son suspense, puis s'arranger pour que les scènes soient tout le temps véridiques. À aucun moment, tu as l'impression qu'on est devant un décor fake, ou même quand il conduit, tu n'as jamais l'impression d'avoir un green screen derrière les voitures. Je trouve qu'il y a tout le temps un aspect de perfectionniste dans le réalisme des scènes. Puis tout le long, qu'ils vont se retourner après avoir jeté le cadavre, ils vont avoir une conversation. Puis là, tu as le personnage de Olivia qui va péter une coche parce que Betty Davis est sous la panique. Puis là, elle va la gifler. Puis là, elle va y faire la morale. Et cette scène-là, moi, je l'ai tellement trouvée bonne. Là. J'ai vraiment trouvé Olivia menaçante à ce moment-là. Puis j'avais quasiment les mêmes yeux que Betty Davis qui était traumatisée en larmes. Et j'ai aimé la détester, cette actrice-là. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est une méchante bonne vilaine. Et, c'était la bite dans Autant n'importe le vent, si je me souviens bien. Puis, je ne l'ai temps, pas vu. Je ne sais pas. C'est son casting. Elle est bonne. OK, elle est bonne là-dedans. Bon, ben, ça vient me donner envie de voir Autant n'importe le vent. Mais c'est ça. Je trouve que ce film-là, c'est vraiment un top-notch en termes de jeu d'acting. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. On a-tu d'autres affaires dont on veut parler? Moi, pas personnellement. Moi, j'aimerais parler du sujet même. Je sais pas si tu veux. Oui, ben oui. On a avec les recommandations, on met du musique, je sais pas. C'est toi qui anime, mais j'aurais aimé que tu nous introduises la raison du sujet de ce soir et j'aurais aimé en discuter un peu. Ben oui, mais je l'ai mentionné un petit peu au début de l'épisode, c'est ça, c'est parce qu'il y a la télésérie de Ryan Murphy qui s'appelle Feud, qui va, chaque saison, on va parler d'un conflit différent de deux personnes. La première saison, c'est Betty Davis et Joan Crawford, dont, comme on a dit tantôt, on ne sait pas si le conflit est vrai ou pas, mais bon, ça a vraiment existé dans les médias. La deuxième saison, ça a déjà été confirmé, ça va être le prince Charles et Diana, ça risque d'être intéressant. Première saison a commencé la semaine passée, le 5 mars, et ce soir, donc, c'était la diffusion du deuxième épisode, et j'ai vu le premier épisode, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pas subtil, c'est de la télé, mais c'est comme Ryan Murphy fait souvent, c'est très visuel, c'est très gros, tu sais, les jeux d'acteurs est excellent, les deux actrices, c'est Jessica Lange dans le rôle de Joan Crawford, et Susan Sarandon dans le rôle de Betty Davis, qui est un casting incroyable. Elle a les mêmes yeux, la même face. Là, c'est pareil. Puis Alfred Molina dans le rôle de Robert Aldrich. Puis en tout cas, t'as plein de monde vraiment intéressant dans cette série-là. Mais je trouve que le premier épisode, son gros défaut, il y a plein de qualités, là, mais son gros défaut, c'est que les personnages marchent, se promènent comme des pages Wikipédia ambulantes. Ils répètent tout le temps leur histoire, leur passé, les différents succès, les films, pour que le spectateur sache exactement à quoi s'attendre, puis qu'ils savent à qui ils ont affaire. Fait que là, t'as Bette Davis qui parle dans une conversation de tous ses films, ou des trucs comme ça, puis t'as la même chose pour Joan Crawford, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, pour qu'on sache exactement où c'est qu'ils sont là, où c'est qu'ils sont rendus en 62, t'sais, pour ceux qui les connaissent pas, t'sais. Puis là, c'est même un peu pour chaque personnage. Fait que je trouve que ça fait pas naturel. Puis tu sais, si tu prends une série qui se passe à la même époque, comme Mad Men, Mad Men avait des dialogues vraiment plus réalistes et vraiment plus soignés. Mais en termes d'esthétique, Feud est vraiment très très belle. Le générique d'ouverture avec plein de références à Baby Jane, c'est superbe. C'est un générique à la soul bass, là, le réalisateur de Fast 4 dont on avait parlé dans notre épisode là-dessus. Un spécialiste des génériques d'ouverture, ils ont fait un peu le même genre de générique que lui aurait pu faire. Puis c'est ça, j'ai beaucoup aimé le premier épisode. Je suis très curieux de voir où ça va s'en aller, puis c'est quoi cette histoire-là, qu'est-ce que Ryan Murphy a raconté. Puis dernière chose que je vais dire aussi, Ryan Murphy, quand il était jeune, il a envoyé une lettre à Bette Davis dans les années 60, puis elle y a répondu, puis ils ont starté une correspondance. Il était dans... genre, il avait 10-11 ans, là. T'sais. Il a commencé une correspondance avec Bette Davis. Puis plus tard, dans les années 80, pas longtemps avant qu'elle meure, il a réussi à se faire inviter chez elle pour l'interviewer. Puis elle, il a parlé pendant longtemps de toute cette histoire-là avec Joan Crawford, de toutes sortes d'affaires. Ils ont parlé pendant 4 heures, je pense, de temps. Puis lui, cette série-là, Feud, puis cette première saison-là, c'est vraiment un travail d'amour, parce qu'il aime d'amour Bette Davis et Joan Crawford. Puis je pense pas qu'il fait ça pour ternir leur image. En même temps, je pense pas non plus qu'il fasse ça pour raconter un peu n'importe quoi. Je pense qu'il veut peut-être remettre les choses dans leur contexte puis dire un peu les vraies choses. Je sais pas à quel point ça va être... T'sais, je sais pas à quel point ça va être véridique ou pas. Là, je suis juste curieux de voir où ça s'en va. Puis... mais on va voir. Mais c'est ça. Tout ce que je voulais dire, c'est que c'est un vrai fan puis il fait ça par amour. C'est ce qu'il a dit en entrevue, en tout cas. J'ai hâte de voir ça. Si vous me permettez, en fait, moi, le sujet de ce soir m'amenait deux réserves par rapport à la série. La première étant, est-ce que si ce n'était pas une série qui s'intéresse à des gens des années 60, est-ce que ça serait aussi bien vu? Dans le sens où là, on va explorer, veut pas, des prises de bec entre deux actrices. Si on faisait la même affaire avec Kim Kardashian puis Paris Hilton ou Britney Spears et Christina Aguilera, ça tomberait dans la série BuzzFeed, potin, documentaire mal traduit. T'sais. Fait que je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le glamour d'Hollywood des années 50-60 qui va venir rattraper? C'est sûr que j'ai écouté les 10 premières minutes de l'épisode. Moi, je voulais pas écouter nécessairement la série. Je dis pas que c'est bon ou mauvais, mais je voulais juste voir est-ce que c'est l'image que je croyais qu'on lui donnerait. Non, je croyais qu'on irait dans un petit peu plus documentaire. Là, on est beaucoup dans la fiction. Donc, je me demande vraiment, est-ce que c'est d'intérêt public dans le sens où est-ce qu'on veut rétablir les faits? Est-ce qu'on veut juste commencer? Est-ce qu'on veut juste aller dans le Mad Men, justement, mais avec d'autres sujets? Est-ce que ce n'est pas qu'une prise de bec entre deux femmes qui ne nous concerne pas et on va le prendre comme prétexte. De ce que j'ai lu sur Wikipédia, par exemple, excuse-moi, je vais juste terminer. Oh oui. De ce que j'ai lu sur Wikipédia, ça va être un prétexte. Ça va être un prétexte pour parler de la situation des actrices, pour parler d'Hollywood, et ça, je suis contente. Parce que si c'était que une série sur la prise de bec entre deux femmes, ce que le générique me laissait entendre, justement, j'étais un peu déçue, parce que je me suis rendue à ce que c'est vraiment d'intérêt, mais le film ouvre avec une journaliste et après ça, avec une cérémonie, je crois, des Oscars, et après, j'ai l'impression... pour voir Marilyn, exactement, et j'ai l'impression que le film va juste s'intéresser à une époque. Et les deux femmes sont un prétexte, et c'est ce que la description Wikipédia me donne également, c'est que les deux femmes sont un prétexte pour explorer justement l'alcool, les problèmes, la misogynie et tout ça de l'époque. Et là, ça me réconforte. Je ne sais pas si tu veux intervenir parce que j'ai un deuxième point quand même. Ben, oui, ben moi, j'ai pas de problème si c'est vraiment juste d'exploiter l'époque, parce que moi, j'aime ça. Ben, je suis un gros fan du vieux Hollywood, puis tu sais, si c'est 10 épisodes là-dessus, moi je vais les prendre. Puis quand tu dis que c'est pas vraiment d'intérêt public, tu sais, il y a des... Pour nous autres, qui n'étaient pas vraiment... on peut apprendre là, tout à coup en 2017 que ce conflit-là existait, puis je... c'était pas quelque chose que je connaissais tant que ça, puis que c'est toujours pas quelque chose que je connais tant que ça, je me suis pas tant informé là-dessus, sur leur conflit, mais il y a des tonnes de livres là-dessus, puis des tonnes d'articles, oui. Puis des trucs, puis des documentaires, puis ci, puis ça. Ça fait 50 ans que les gens parlent de ce conflit-là. Fait que, puis, tu sais, quand t'as deux personnalités publiques, ils deviennent quasiment plus des êtres humains, ça devient des produits. Fait que, tu sais, ils appartiennent au public, fait que le public, à quelque part... Mais, je vais te le mettre autrement. Je veux dire, Kim Kardashian était la styliste de Paris Hilton et elle a supplanté Paris Hilton. Pour certains, ça, c'est un sujet potin et pour d'autres, c'est le sujet de biographie. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire une série sur Kim Kardashian qui supplante Paris Hilton? Si un jour, il atteigne un... c'est parce qu'ils n'ont pas le même statut que les deux actrices. Ben, c'est ça, c'est pas intéressant. Là, on parle... Le statut qu'il y avait en 62, c'était des super vedettes des années 30-40 qui étaient un peu déchues, rendues là, mais que, tu sais, on parle pas du même genre de personnes. Puis je me dis, dans 50 ans, est-ce que Kardashian et Hilton vont être aussi... est-ce qu'on va se rappeler d'elles puis que ça va valoir la peine qu'ils fassent une série un jour sur elles? Je sais pas, tu sais... Kardashian, oui, je suis désolée, mais Kardashian, oui. Elle a trop d'influence sur le web. Négative ou positive, elle a trop d'influence pour qu'on l'oublie. Je suis curieux encore de voir si dans 50 ans, on va se rappeler d'elle. Je sais pas. Peut-être pas en tant que... ce qu'elle a... en tant que, qu'individu, mais en tant qu'influenceur web, en tant que créatrice et fondatrice d'Instagram, sans l'avoir créée, mais tu sais, ouais. Instagram, c'est elle qui en fait, là, tu sais, je veux dire, créer aussi l'idée... On divague, là, mais tu sais, Kardashian vend énormément grâce à Instagram, puis elle se fait payer, blablabla. Mais tu sais, c'est toute l'idée de la personnalité produit, la personnalité. Ouais. Hey, bonjour, regardez mon beau teint, c'est grâce à la crème Evian que j'ai un aussi bon teint ce matin. Bonne journée à toutes, bisous, bisous. Ouais. Mais ça, c'est du placement de produit. Fait que oui, moi, je pense que plus tard, on va étudier. Ces personnalités-là sur le placement de produits et comment elles ont réussi à créer des marques en elles-mêmes. Ouais, c'est juste dans un autre domaine un peu, puis c'est pas... C'est, oui! Je suis moins intéressé par ça, fait que je peux pas vraiment en parler. Effectivement! Moi, je pense que c'est une question d'intérêt, mais ça l'amène mon deuxième point, c'est drôle, hein? Ça l'amène mon deuxième point, je me demande à qui s'adresse cette série-là, parce que John Crawford et Bette Davis, je suis désolée, mais elles sont oubliées beaucoup. C'est malheureux, oui. C'est triste, je suis pas d'accord. Bette Davis, je l'ai découverte cette semaine avec ces deux films-là, parce que pour vrai, vous avez vu mon statut sur le groupe privé, j'étais sûre qu'elle et Betty White étaient la même personne. Alors, je m'en cache pas, c'est vrai, j'étais convaincue que c'est la même personne. Maintenant, je sais que ce n'est pas. Et je suis subjuguée. Et là, je veux écouter All About Eve. Je capote sur cette actrice-là, mais moi, j'étais sûre que c'était Betty White. Je suis sûre que tu adorerais All About Eve. Mais c'est ça. Mais fait que moi, j'ai envie de les découvrir. Mais tantôt, je parlais aux gens du film que j'écoutais. John Crawford, Bette Davis, ça ne dit rien à personne en 2007. Mais non, je sais, c'est sûr. À qui s'adresse cette série-là, alors? Mais tu parlerais à des malheureusement, mais tu parlerais à des gens, mettons, des travestis, probablement qu'ils connaissent... ces vieilles actrices-là sont bien connues souvent chez les travestis, des trucs comme ça. Ils vont s'habiller comme des Judy Garland ou des vieilles actrices glamour de l'époque. Ou, tu sais, juste des fans de cinéma. T'sais, moi, je les connaissais quand même toutes les deux, sans pouvoir dire exactement qu'est-ce qui s'était passé par rapport à leur conflit, mais je connaissais un peu... Tu sais, c'est ça, parce que j'aime le vieux Hollywood, mais je comprends, je sais très bien que c'est pas... ils sont plus dans l'air du temps, là. Ils sont plus... Puis... Oui, j'ai envie de... Oh, je sais pas comment... Mais non, c'est sûr que la série s'adresse pas aux fans d'American Horror Story, ni peut-être aux fans de Glee, je sais pas, les fans des autres séries de Ryan Murphy, mais ça s'adresse à ceux qui s'intéressent au vieux Hollywood, ça s'intéresse aux gens qui sont juste curieux d'en apprendre plus, je sais pas, là-dessus, sur cette époque-là, puis... Je sais pas... Puis tantôt, juste pour revenir sur ton premier point, je voulais juste finir en disant, tu sais, je fais confiance à Ryan Murphy puis à son histoire de, qui a eu une correspondance avec Bette Davis puis ça, puis qu'il l'a rencontré. Puis je me dis, si lui, qui l'a connu en personne, pense que c'est ça la bonne façon de lui rendre hommage à sa façon à lui, ben je vais y faire confiance, puis je pense pas qu'il va faire une mauvaise job. Puis je vais pouvoir critiquer le produit fini, mais je peux pas critiquer son intention, vu que moi j'ai pas connu Bette Davis en personne, puis que peut-être que lui il pense qu'il a arrêté d'accord avec ça, puis que c'était une bonne idée de faire ça, là, tu sais. Moi, je critique pas l'idée parce que, comme je te dis, moi, je pense que dans 20, 30, 40 ans, ça va être très intéressant une série qui met en perspective les Kardashians. Même si j'en connais aucun, Kim, je connais aucun des autres noms, sincèrement. Je ne les suis pas sur Instagram, c'est volontaire à moi, mais reste que c'est un phénomène, tu sais. Et ces femmes-là étaient un phénomène. Marilyn est un phénomène, James Dean est un phénomène. Ouais. Et Madhouse, c'est un phénomène. On en a combien de phénomènes? On en érige, on en écrit, on crée des phénomènes, on est des usines à phénomènes. Fait que moi, je ne critique pas l'intérêt, mais je me demande à qui ça s'adresse et est-ce qu'on est capable de faire la part des choses. Puis ça peut être une façon aussi de montrer que le 50 ans, c'était pareil que là, qu'aujourd'hui, quand il y a des conflits entre deux actrices ou deux acteurs, tu sais, ça n'a pas trop changé. Là, t'as les journaux à potins qui se mêlent de ça, puis tout, puis qui, comme on disait tout à l'heure, qui créent cette histoire-là, tu sais. On le voit dans le premier épisode, la journaliste Edda Hopper qui arrive, puis qui a dit donne-moi-en du jus, donne-moi des affaires sur John Crawford ou sur Bette Davis, elle vient lui parler à chacune, puis donne-moi de la marde sur l'autre, là, tu sais. C'est ça, c'est cette demande aussi, tu sais. Puis quand Marilyn gagne son prix, c'est comme, ben oui, tu gagnes ton prix parce que t'étais sexy, moi et tout, je suis capable d'être sexy, puis après une gorgée, puis l'autre à côté fait arrête de boire. Tu sais, il y a un sous-texte à ça. C'est justement, moi, c'est pas ça. Que... Tu me rappelles que c'est ça, elle vient la voir, puis dit, parle-moi de Marilyn, qu'est-ce que t'en penses, là? Elle demande à Joan Crawford, qu'est-ce que t'en penses, puis elle veut pas dire rien, elle veut pas dire du mal, tu sais. Non, c'est ça. Ben moi, je pense, tu sais, je ne critique pas. Je ne dis pas que cette série-là n'a pas de raison d'être et je ne dis pas qu'elle ne trouvera pas son public, mais je trouve que la question est légitime de qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ça? Est-ce que ça va être juste la chicane entre les deux ou on peut s'attendre à plus? Je pense qu'on va nous offrir plus. Je suis assez convaincue qu'on va nous offrir plus. J'espère. Parce que c'est comme ça, tu dis, c'est comme on disait, je disais, c'est pas super réaliste. C'est vraiment très visuel, très coloré. Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. C'est vraiment plus dans le visuel puis dans le jeu des actrices, tout ça, que dans le scénario. Encore là, je pense que à quelque part, ça reflète mon opinion que j'avais de Baby Jane. C'est que c'est vraiment dans le technique puis dans le jeu que... Puis le scénario laisse un peu à désirer parce que... Dans... Pas le scénario, mais les dialogues laissent à désirer. Comme je disais, c'est des pages Wikipédia ambulantes. Mais j'espère que ça va aller plus, mettons, dans la critique d'Hollywood et tout ça, un regard là sur cette époque-là, plutôt que juste les deux actrices qui chicanent tout le temps, là, tu sais. Je crois pas qu'on va en rester à là, mais tu sais, c'est juste une question que je voulais soulever, ça, et à qui ça s'adresse, parce que si on y va dans l'universel, si on se dit, regardez, c'était ça l'Hollywood d'aujourd'hui, mais ça se continue, ça se propage, ça va être super intéressant. Mais c'est juste une question que je voulais soulever. Je crois pas qu'on ait eu le temps de le faire. Aussi, l'idée que ça s'adresse peut-être pas à nos fans d'horreur convaincus, je pense que ça s'adresse à nos fans curieux. Oui. Il n'y a pas de gore, rien, c'est pas une série d'horreur. Hein. C'est pas American Horror Story. Steven! Oui! Réveille, Steven! J'ai rien à dire là-dessus parce que j'ai juste pas vu le premier épisode. Fait que je peux pas me prononcer. Fait que je préfère attendre de voir. Ça m'intéresse évidemment parce que j'aime beaucoup Baby James. Puis j'aime Ryan Murphy, qu'est-ce qu'il fait. Fait que comme Jeff, j'ai confiance à lui. Puis je suis sûr que. Il va nous offrir quelque chose d'intéressant. De toute manière, la plupart des reviews que j'ai vus sur le premier épisode sont quand même très, très bons. Fait que j'ai hâte de voir. Fait que s'il fait comme série noire, Steven va voir la série dans à peu près 3 ans. Ouais, c'est ça. Il va écrire comme statut Facebook. Yeah, Marc Arcan, on va tout faire. Ouais, Marc Arcan en 2014, Steven. Marc Arcan, ouais. On est d'accord, mais pas là. Tu parlais de ta Kim Kardashian, là, mais dans les années 2050, on va parler encore de Marc Arcan puis pas de Kim Kardashian. Je l'espère. Mais tu sais, c'est... Bref. on va aller en musique. Après ça, on va venir pour notre finale d'épisode. En musique. Oui, j'ai failli oublier. Merci de me l'avoir ici. Recommandation pour Hush Hush Sweet Charlotte? Moi, j'irai avec un achat, un DVD. C'est sûr que j'ai de la misère à conseiller le DVD puisque je l'ai vu en Blu-ray. Puis honnêtement, l'image de transfert est numéro un. Fait au pire, j'imagine que le Blu-ray doit pas être super. Super cher, fait que allez-y pour un Blu-ray, parce que même si c'est moins bon que Baby Jane, je trouve que c'est un excellent film qui possède beaucoup de qualités et quelques défauts, fait que c'est quand même un excellent film. Encore une fois, j'irai avec un achat et une projection d'après-midi, parce que encore une fois, je pense que c'est le film que tu mets l'après-midi, que les gens ne connaissent pas et qui vont rester sous le cul, qui vont rester scotchés à l'écran, qui vont faire « Ah, c'est quoi ce film-là? C'est qui elle? » Le jeu de la crise est tellement bon. C'est sûr que j'ai un achat, mon fils. Ben, moi, je dirais... Oui, un achat aussi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le film. J'ai eu plus de plaisir avec ce film-là qu'avec l'autre. Fait que si l'autre, je vous recommande un achat Blu-ray, ben lui aussi, là, je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis je serais curieux de voir... c'est drôle parce que cet auteur-là, Henry Farrell, quand tu regardes tous les titres de ses films, en tout cas la plupart de ceux que je connais, c'est tout le temps avec tout le temps une question puis un nom à la fin. C'est Whatever Happened to Baby Jane, Hush Hush Sweet Charlotte, c'est pas une question, mais t'as quand même Charlotte à la fin. Puis après ça, en 68, t'as What's the Matter with Ellen, qui c'est encore deux vieilles actrices, deux actrices vieillissantes une contre l'autre, c'est Debbie Reynolds puis Shelley Winters. Puis après ça, en 71, 72, t'as 70, t'as How Awful About Alan, qui est un thriller psychologique avec Anthony Perkins. Là, c'est pas deux vieilles actrices, mais t'as tout le temps ce genre de questions-là avec un prénom. C'est tout le temps le même auteur. Fait que c'est un drôle de pattern dans ses titres. Je trouve ça juste amusant. On va aller en musique avec la chanson thème de Hush Hush Sweet Charlotte qui joue dans le film, puis un petit montage avec la comptine au début du film, là. Fait que on vous revient tout de suite pour la finale de l'épisode. Hush, hush, sweet Charlotte. Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte. I love you till I die. Oh, hold me, darling, please hold me tight. And brush that tear from your eye. You weep because you had a dream last night. You dreamed that I said goodbye. Hush, hush, sweet Charlotte. Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte. I love you till I die. I hold two roses within my hand. Two roses I give to you. The red rose tells you of my passion and the white rose, my love so true. And every night after I shall die, yes, every night when I'm gone, the wind will sing to you this lullaby. Sweet Charlotte, was love I John. Ok, en conclusion de l'épisode, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, on va faire nos recommandations de d'autres films de par rapport à ceux qu'on vient de voir, ceux dont on vient de parler. Vicky? Moi, j'en ai deux. Le premier, c'est Dearest Mommy, Mommy Dearest. Mommy Dearest, même en très cher. En très cher, Mommy Dearest. C'est une biographie sur Jane Crawford. Parfait Dunaway. Encore une fois, jeu d'actrice incroyable. Je pense que Faye Dunaway récupère le film. Le film a beaucoup de défauts majeurs. Ce n'est pas le film que je critique ce soir, donc je vais en passer outre. Reste que ça vaut la peine d'être vu parce que c'est exactement dans la situation qu'on veut parler avec notre film d'Hollywood, avec la série de ce soir, parce que les films sont par rapport à la série quand même sur l'ambiance d'Hollywood de cette époque-là. Ce qu'on demandait aux actrices aussi, on suit la vie de Jane Crawford. Le gros défaut, c'est que c'est au travers des yeux de sa fille, ça me gosse. Mais le point positif, c'est qu'on l'entend réfléchir sur les exigences qu'Hollywood a sur elle, le poids que ça lui pèse, les difficultés au quotidien. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, pour ça, je vous suggère celui-là. Deuxième film. Juste interrompre deux secondes. Le seul souvenir que j'ai de ce film-là, c'est que c'était un peu l'horreur, l'enfant martyr de américain. Là. C'est, j'ai connu ça à la même époque, puis c'était la marâtre là, qui torture quasiment sa fille. Là, ou sa exactement, fille, c'est là, ça. Puis ça n'a fait aucun sens. Je veux dire, ça, là, oubliez-le du film, c'est pas pour ça que je l'ai aimé, parce que une jeune fille de 8-10 ans qui raconte comment elle voyait sa mère, c'est biaisé, ça fonctionne pas. Ouais, c'est ça, je pense que ça a été critiqué, puis Joan Crawford elle a démenti qu'elle était méchante de même, là, tu sais, je pense. Non, je veux dire, si je faisais un film sur l'opinion de ma mère, c'est drôle, ben, je me suis assis avec ma mère la semaine passée sur quelque chose de mon enfant. Bon, tout le monde n'a pas la même vision, puis moi, c'est une vision torturée, parce que c'est moi qui avais mal. Je veux dire, ta mère te refuse des bonbons, c'est la fin du monde, tu sais. J'aime pas le regard bien fait. À ça, on n'a pas les mêmes souvenirs avec nos parents sur les mêmes événements, tu sais. Et on n'a pas le recul, on n'a pas le même recul. Bref, outre ça, le film, pour ce qui est de la situation hollywoodienne, est excellent. Autre film, une évidence, qui est sur la situation hollywoodienne, Sunset Boulevard. Oui. Baby Jane a été souvent comparée, je pense, à Sunset Boulevard. Le personnage ressemble un peu à celui de Norma Desmond dans Sunset Boulevard, tu sais, qui est une personne qui avait été très populaire à une autre époque, puis qui a complètement tombé dans l'oubli, puis très nostalgique, puis qui regarde ses vieux films. Sunset Boulevard, c'est un film que je porte vraiment dans mon cœur. Tu sais, c'est la même année qu'All About Eve, puis ces deux films-là, c'est des chefs-d'œuvre hollywoodiens. Là. Et voilà, j'ai même pas eu besoin de boulevard, j'ai fait ça. Et c'était ma suggestion, c'est moi qui ai pensé. Mais c'est drôle parce que j'en reviens encore sur Maman très chère, Mommy Dearest, mais Betty Davis, elle avait une fille, puis sa fille était adolescente dans le temps de Baby Jane, puis on la voit, c'est c'est l'adolescente qui vit à côté dans la maison, c'est elle qui joue ce rôle-là. Puis sa fille, Betty Davis, a écrit des livres sur Betty Davis pour la critiquer. Pas pour dire qu'elle l'a battue, mais pour la critiquer, pour dire que c'est une mauvaise mère, puis ci, puis ça. Puis deux livres des années 80, je pense. Puis Betty Davis, il a fallu qu'elle se batte aussi pour essayer de démentir, ou en tout cas d'essayer d'arranger un peu le mal que ça avait fait sur son image publique. Là. Déjà, les relations mère-fille, c'est fucking complexe. Et en plus, il faut croire la fille, j'ai bien la misère. Fait que, oubliez ça, mais réfléchissez sur toute la part de Hollywood dans les deux films que je vous ai faites. Les restes Mommy et Sunset Boulevard. Steven. Eh bien, vu que je connais aussi l'opinion de la suggestion de Jean-François et que j'ai peut-être changé. Ça a peut-être changé? Oui. OK, vas-y en premier. Ah oui? OK. Ouais, vas-y. Ma suggestion que j'avais proposée, c'était All About Eve, parce que je peux juste pas assez le recommander, ce film-là. Ouais. Mais en fait, j'ai repensé à mon affaire. Je dis, on est dans un film d'horreur. Là. Je vais recommander un film qui est de l'horreur, entre guillemets. C'est un thriller. C'est Gaslight, de 1944. J'en ai parlé durant les 31 jours d'horreur. Puis je sais que quand j'en ai parlé, Audrey, notre collaboratrice, elle l'a regardé, puis elle m'a dit après ça, elle dit, Chris, que ça me trouble, ce film-là. C'est vraiment épeurant dans son sujet. C'est l'histoire d'une femme qui emménage avec un homme, elle vient juste de se marier avec lui, puis elle a l'impression d'entendre des sons, des bruits, des trucs qui... Puis En fait, l'histoire, en gros, c'est un gars qui va essayer de rendre folle sa femme. Mais elle vient convaincue qu'elle est folle. Fait que c'est un peu, ça m'a fait beaucoup penser à ça, Hush Hush Sweet Charlotte, en moins bon, parce que Gaslight est un fucking chef-d'œuvre, selon moi. Mais c'est ça, c'est semblable. Ouais. C'est le même genre de ça, puis ça vaut vraiment la peine d'être vu. Je me souviens, Jeff, que t'en avais parlé durant les 31 jours d'horreur, et je l'avais noté. Effectivement, je suis contente que tu le ressortes parce que je l'avais noté, tu l'avais très bien défendu durant les 31 jours. C'est plaisant que tu le ressortes ce soir. Fait que, Steven. Bon, finalement, tu as déformé ce que j'avais dit, parce que j'avais dit, ben moi, je vais vous conseiller de quoi qui est dans l'horreur, vu que mes collègues s'en éloignent. excuse-moi. Non, c'est correct, c'est déjà mieux. Mais moi, j'y vais avec May de Lucky Mickey, qui est comme un de mes films favoris, et vu qu'on parle de personnages féminins, qui sont instables mentalement. Je trouvais que j'ai tout de suite automatiquement pensé à May, qui est une jeune fille. Lorsqu'elle était très jeune, elle a eu une enfance difficile et elle avait comme amie seulement une poupée dans une espèce de petite boîte en vitre. Et c'est un personnage qui est très awkward avec les autres parce qu'elle était capable de communiquer dans une société de façon normale, entre guillemets. Et elle connaît pas ça, elle sait pas comment communiquer avec les gens. Et finalement, elle va être tannée d'être dans son espèce de cocon de solitude, puis elle va être obsédée par un gars. Elle va essayer de sortir avec, mais ça ne va pas fonctionner. Et ça va vraiment lui briser le cœur. Et elle va se dire que finalement, elle ne pourra jamais trouver la personne parfaite pour aller avec elle. Fait qu'elle décide de faire son propre amoureux en découpant les membres de plusieurs personnes qu'elle trouve fascinantes. Donc, si une fille, elle aime sa jambe à elle pour X raisons, ou sur un gars, elle aime son bras. Et c'est une espèce de Frankenstein des temps moderne, si on veut. C'est un film à petit budget, mais qui a fait découvrir un des grands réalisateurs de cette vague des années 2000. Moi, je suis tombé en amour avec Lucky Mickey depuis. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est un gars qui est très féministe, qui défend beaucoup les femmes, qui a juste fait des films avec des femmes comme vedettes, qui est tout le temps en train de défendre la cause. Je sais que je pense que c'est Sébastien, je ne veux pas déformer les choses, qui disait que The Woman était peut-être un film misogyne à cause de la manière que les hommes traitent les femmes. Je ne suis plus trop certain, mais pour ma part, je crois tout le contraire. J'adore The Woman et encore là, c'est un film que Lucky Mickey, pour ma part, je crois qu'il s'amuse à défendre les droits encore de la femme et qui va toucher à d'autres instincts. Mais ça, c'est un autre sujet. Fait que May, moi, je le recommande fortement. Je trouve que c'est un classique et toujours un de mes films favoris. Et Angela Bettis, qui joue le rôle de May, est incroyable. C'est vraiment une superbe actrice et c'est un film qui me touche beaucoup. À chaque fois, j'ai envie de pleurer pratiquement avec le personnage. Oh. Oh. Je sais pas pourquoi je viens de penser à ça, mais je voulais revenir sur un point qu'on a parlé plus tôt dans l'épisode. C'est Vicky qui nous a parlé de comment est-ce que les filles, des fois, vont faire des efforts, tu sais, pour s'arranger, tout ça, pour plaire à leur homme, tout ça. Est-ce que je rentre déjà de penser à quelque chose que... Ah, en tout cas, peu importe. Je suis en train d'écouter cet ensuite le livre audio de Wild, qui a inspiré le film de Jean-Marc Vallée avec Reese Witherspoon. J'ai pas encore vu le film. Là, je suis juste en train d'écouter le livre audio. Puis la raison pourquoi je l'écoute, c'est parce que j'ai pas le temps de le lire. Je lis tellement d'autres affaires. Puis quand je vais courir, quand je vais faire du gym, des trucs comme ça, ben j'écoute le livre. Fait que. On va se le dire, par exemple, la vraie raison pourquoi tu as commencé ça, c'est à cause de Lorelai Gilmore. Indirectement, mais pour être honnête, puis on va parler tantôt de notre prochain épisode du Bras de Fer des films, mais c'est parce que j'ai l'intention de le proposer dans un épisode bientôt, Wild, que je ne l'ai pas encore vu. Mais c'est ça, il y a une scène dans le livre, en tout cas, parce que, tu sais, ça fait plusieurs semaines qu'elle est à la trail, tout ça, c'est la fille qui fait la randonnée sur la Pacific Crest Trail en Californie, et toute jeune, tu sais, dans le début vingtaine, dans les années 90, puis tu sais, elle fait plusieurs semaines qu'elle est là, puis elle sent mauvais, puis son linge est tout, tu sais, plein de sueur séchée, puis tout dégueulasse, puis là, elle rencontre des hommes à un moment donné, puis là, ils l'invitent à leur camp, tu sais, puis elle va sur le bord d'un lac avec eux autres, mais juste avant de sortir de sa tente, puis d'aller passer la soirée avec eux autres, elle commence à regarder dans ses affaires, elle dit « T'as peu, j'ai-tu des bijoux, j'ai-tu quelque chose, un collier pour essayer de m'arranger un peu? » Puis elle s'arrange, elle essaie de se passer un peigne d'un cheveu qui sont tout gris chaud, puis tout. Puis, tu sais, c'est juste, j'écoutais ça, puis je me disais « Hey, fille, je pense que... Non, t'as pas besoin, tu sais, si le gars te trouve cute, puis moi, je la trouve, je suis sûr, j'ai vu des photos d'elle, puis même, tu sais, juste dans son linge de randonneuse, elle est cute, fait que, tu sais, pas de maquillage, rien... des fois, je dis les filles, il y a des filles qui en font vraiment trop pour rien parce que ils se rendent pas compte qu'on peut les trouver belles pareil, même toutes pas arrangées, là, tu sais, puis c'est juste, ça me fait juste sourire de voir à quel point qu'elle faisait des efforts pour se trouver dans son sac. J'ai-tu quelque chose pour un petit bracelet, un petit collier? Je suis comme, qu'est-ce que ça va changer? Si le gars, il te trouve vraiment cute, c'est pas à cause du bracelet, là, c'est pas, ou du collier. Non, on est là-dedans, dans le plaire et le paraître énormément. Ouais. Énormément. Plus que vous pouvez l'imaginer, c'est dans tous les détails, c'est à tout. Tu sais, là, l'idée de, j'ai du quoi de poignant entre les dents, là, ben, nous, c'est continuer. Ok, ben je voulais pas trop rallonger l'épisode, je m'excuse à Steven parce qu'il a hâte d'aller se coucher. Steven, qu'est-ce qu'on fait dans le prochain épisode du Bras de fer? Eh bien, on fait un spécial biopic. Yes. Parce que j'ai un film en Blu-ray dans ma bibliothèque que j'avais pas vu depuis longtemps, comme un paquet, et je me suis dit c'est la bonne occasion de le faire. Fait que le classique, c'est Chaplin avec Robert Downey Jr. que j'en ai entendu tellement bien, fait que j'ai très hâte de voir ça. Ah, tu l'as jamais vu? Non, je l'ai jamais vu. Les deux films, j'ai jamais vu. Et le Nanar Navet, lui, j'ai vraiment hâte parce que j'ai l'impression que ça va vraiment être drôle. C'est Le Conquérant avec John Wayne. Et John Wayne joue le rôle de Genghis Khan. J'ai de la misère à me dire ça. Puis on va en parler dans l'épisode de la semaine prochaine, mais vous pouvez aller voir sur Wikipédia, le film a une histoire très, très sinistre. Le tournage a une histoire très sinistre. Le Conquérant? Puis je l'avais même pas vu quand tu m'as proposé ça. J'ai été voir sur Wikipédia. Fait, OK, c'était intéressant cette affaire-là. Allez voir les. Chaplin, quand tu as nommé Chaplin, je me suis dit, je pense que le visionnement de Magic il y a deux semaines, ça t'a influencé. C'est le même réalisateur, tu sais. C'est juste un hasard parce que je le savais même pas. C'est Richard Attenborough. OK, je parle. Ben, tu sais, je me rappelle que Sébastien l'avait nommé Chaplin dans ses films. Fait que je pensais que. Ah, je sais pas, je suis pas certain. J'ai écouté l'épisode, mais je me rappelle pas si j'avais entendu ça. Oh, mais là, vous êtes en train de faire le prochain épisode du Bras de fer. Les gens écoutent Horror Gamer. Je sais, c'est juste pour en parler. Toi, séance de minuit, y a-tu quelque chose de prévu? Ben oui, en fait, notre troisième épisode est déjà fait. Il devrait sortir probablement demain. Fait que si vous écoutez celui-ci, il est déjà en ligne. Et on parle de We Are the Flesh. Là, on tombe dans un film d'horreur. Fait que si ça vous intéresse, c'est un film mexicain qui a fait un gros buzz, qui est assez extrême, mais très intéressant. Puis au courant de l'épisode, bon, on est là-bas là-dessus sur le cinéma extrême. On a des tops et une question très intéressante au début. Fait que. Allez-y, ça vaut la peine. Je crois qu'on a un podcast intéressant. Fait que là, tu as déjà parlé de deux podcasts. On va laisser faire les cinq autres podcasts que tu fais. Là, mais... J'en ai pas d'autres. Vicky, t'as-tu un projet à plugger, quelque chose par rapport à la capsule? Ah non, vraiment, moi, je suis fatiguée. Je commence à 9h demain. Je me suis levée à 7h le matin. Puis c'est qui l'idiot qui a décidé d'avancer l'heure à créer moins 30? La seule chose que j'ai à plugger, c'est si je découvre l'idiot. Si vous voyez une mort suspecte, c'est moi qui ai tué l'idiot qui a décidé qu'on avançait l'heure au mois de mars alors qu'il fait moins 30. OK. Ben, pour terminer l'épisode, je vais faire une job un peu bâclée. Sébastien, il a le nom de tous les Patreons, tout ça. Mais on va dire salut à Tommy parce qu'on se rappelle de son prénom. Tommy. Salut Tommy. Je pense que David a droit à un shout-out, mais je suis pas certain. Yo, David. Salut David. Et si j'en oublie, je suis désolé, mais Sébastien va reprendre le créneau, va reprendre les rênes la semaine prochaine, dans deux semaines, je veux dire. Et donc, suivez-nous. Merci de nous suivre sur Facebook et tout ça, puis tous les réseaux sociaux. Et là, j'essaie de me grouiller parce que les autres sont fatigués. Et on se reparle dans deux semaines. Gardez ça horreur. Ciao. Puis je vous ai même pas remercié. C'est pas grave. Je me sentais remercié, c'est bien correct.